l'amène, madame la criée. Amène la vanne et puis son couteau, la bonibane. Et puis son épices, ou si vous canez. Quand sera terminé, madame va m'énoncer. Bilo soit lavé, madame la criée. Amène la vanne et puis son couteau, la bonibane. Et puis son épices, ou si vous canez. Quand ça a terminé, madame va mélanger. Tisa, tisa vous canez. Samil, son grand plat préféré. Tisa, tisa vous canez. Avec ça, un plat de moun y apprécie. Tisa, tisa vous canez. Samil, son grand plat préféré. Tisa, tisa vous canez. Avec ça, un plat de moun. Mamie Chidové, le dé à Poubani. Oui, ça bon, ça fait l'idée pressée. La vie pour goûter, pour voir s'il est prêt. Puis son nez bon là, il s'a déguisé. Mamie Chidové, le dé à Poubani. Oui, ça bon, ça fait l'idée pressée. La vie pour goûter, pour voir s'il est prêt. Puis on les bons là, ils a dégusté. Tisa, tisa boucané. Samé, son grand plat préféré. Tisa, tisa boucané. Abé ça, un plat de moun y apprécie. Bon, bon, moi, il nous a proposé le menu pour finir. Tijac boucané. Pour le petit déjeuner. Alors, pas tout de suite, hein. C'est un peu lourd, hein. C'est un peu lourd, mais peut-être après. Hein, peut-être après pour le réchauffer. En même temps, si ça permet de se réveiller, c'est pas si mal. Il faut ce qu'il faut des fois le mardi matin, non ? Il y a peut-être une meilleure méthode que le Tijac boucané. Mais bon. Genre écouter grand matin. Voilà, par exemple, on est là. Profitons-en. Florent est là aussi. Bonjour à tous. Il est 5h sur la première. C'est l'heure du journal. Florent Marot, bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. La route du littoral, de nouveau sur quatre voies ce matin. Le feu qui a ravagé Saint-Bernard est maîtrisé. Les travaux de purge sont terminés, du moins pour l'instant. La route en corniche sera totalement fermée dimanche matin. L'aéroport Roland-Garros, victime hier soir d'une attaque terroriste. Des hommes armés ont pris des passagers en otage. Un exercice, mais en conditions réelles. Les forces de l'ordre étaient présentes en nombre. Nous étions sur place. C'est une information réunion première. Connaissez-vous le PXE, le pseudo-xanthome élastique? C'est une maladie génétique rare à laquelle s'intéresse le docteur Omar J, un réunionnais spécialiste des maladies vasculaires. Son portrait dans ce journal. Et puis la semaine bleue, celle réservée à nos Gramoun, a démarré hier à Saint-Joseph. L'opération a débuté avec un défilé dans la rue principale, un bal et un de l'amitié ont pris le relais. Les plus de 60 ans représentent aujourd'hui 20% de la population. Des kilomètres d'embouteillage, c'était hier toute la journée sur la route du littoral. En cause, un basculement partiel dû à l'incendie de Saint-Bernard, un feu finalement maîtrisé en fin de journée. La DRR, la Direction Régionale des Routes, décide alors de purger la falaise et de rouvrir ensuite la route du littoral sur quatre voies. Soulagement donc ce matin, mais attention, de nouvelles purges sont prévues dimanche. Les précisions d'Éric Boiteux, directeur d'exploitation et d'entretien des routes. Depuis samedi, on est un petit peu, disons, dépendant de ces feux et des travaux des pompiers. Dès que les pompiers ont terminé, vers 14h, on a pu envoyer nous, une équipe de cordistes. Et on a pris effectivement la décision de faire ces micro-coupures d'une dizaine de minutes chacune pour pouvoir réouvrir sur quatre voies, pour pas avoir l'obligation de laisser en mode basculé jusqu'à dimanche. Et dimanche, on organise donc des purges un peu plus lourdes, des purges complètes avec une fermeture complète dimanche. Éric Boiteux, directeur d'exploitation et d'entretien des routes, interrogé hier soir par Valérie Filin. La route du littoral sera donc totalement fermée dimanche de 6h30 à 12h30. L'incendie à Saint-Bernard est donc terminé, je vous le disais, mais 70 hectares sont tout de même partis en fumée. Le site est d'ailleurs encore ce matin sous surveillance. À Plateau-Cailloux, l'incendie est également maîtrisé, tout comme à Bois-de-Neuf-le-Coco à Saint-Louis. Là-bas, 4 hectares de cannes ont été ravagés par les flammes. Les pompiers, qui étaient également mobilisés hier soir pour une attaque terroriste à l'aéroport Roland-Garros, un exercice grandeur nature sous les yeux du préfet, plus de 200 policiers, gendarmes, militaires étaient sur place. Ils ont dû répondre à des coups de feu. Le scénario prévoyait également une prise d'otages. L'exercice a duré 3 heures. Les preneurs d'otages ont été neutralisés. Nous étions sur place. Reportage dans nos prochaines éditions. On en reparlera aussi avec l'invité de la matinale à 7h15. Philippe Dornier reçoit aujourd'hui Jean-Paul Noël, président du directoire de l'aéroport Roland-Garros. Cette question, maintenant, connaissez-vous le PXE ? C'est une information Réunion Première. Il s'agit d'une maladie génétique rare, le pseudo-xanthome élastique. Elle touche une personne sur 25 000 à 50 000 dans le monde et elle se manifeste par des lésions et un vieillissement de la peau, des artères hypercalcifiées et une prolifération des vaisseaux dans les yeux. Le docteur Loukman Omarji est réunionnais et surtout, il s'intéresse aux conséquences de cette maladie et à l'épidémie de diabète qui touche notre île. Son portrait avec Jean-Paul Mélade. Avant d'être spécialiste des maladies vasculaires et des maladies systémiques et auto-immunes, le Saint-Pierrois de 40 ans a fait d'autres études. Donc, je suis ingénieur de formation, donc j'ai fait l'École nationale supérieure des télécommunications de Bretagne. J'ai fait un master à l'ESSEC pour avoir une compétence managériale. J'ai travaillé pendant 2 ans en tant que consultant à Paris. À 25 ans, à la mort rapprochée de ses grands-parents diabétiques, il décide de faire médecine. Actuellement, il fait de la recherche au CHU d'Angers sur les conséquences du pseudo-xanthome élastique sur les membres inférieurs. Loukman Omarji fait partie d'une des 5 équipes mondiales qui étudient cette maladie génétique rare. Le Réunionnais est aussi intéressé par l'épidémie de diabète à La Réunion. Si on ne prend garde, elle fera des dégâts dans le département. Dans les 10 années qui arrivent ou dans les 20 années qui arrivent, la première cause de cancer du foie ou de cirrhose, ce n'est plus l'alcool ou ce n'est plus l'hépatite, mais ça sera l'alimentation. Ça sera le fait de manger, manger et manger, et de fabriquer du foie gras. Et sur ce foie gras, on va développer de la cirrhose. Et sur un foie cirrhotique, on développe un cancer du foie. Le médecin compte sur le projet Cohorte Réunion. S'il est accepté, dans 10 à 20 ans, on pourra enfin mieux soigner le diabète. Et le PXE, le pseudo-xanthome élastique, est présent à La Réunion. On ignore en revanche combien de personnes sont touchées. Dans le reste de l'actualité, aux assises, début aujourd'hui du procès de Stéphane Bocage. Il est accusé d'avoir frappé et tué l'enfant de sa concubine le 6 février 2014 à Saint-Joseph. Le petit Kélan, 2 ans, est retrouvé en arrêt cardio-respiratoire dans un appartement de Langevin. Les secours n'arriveront pas à ranimer la petite victime. Stéphane Bocage est poursuivi pour violence habituelle ayant entraîné la mort. Il encourt 30 ans de réclusion criminelle. La mère de son côté est accusée de non-assistance à personne en danger. Verdict demain. 5h06 sur la première, la suite du journal, Florent Marot. Ils sont nombreux dans l'île, les particuliers employeurs. Existe-t-il une grille tarifaire ? Quels sont les droits du salarié, du particulier également ? Des questions que vous pourrez poser si vous êtes intéressé à l'occasion de la semaine de l'emploi à domicile entre particuliers. Une semaine qui a démarré hier à l'initiative de la Fédération des particuliers employeurs de France. Selon la FEPEM, en 2015, notre île était la région qui concentrait le plus d'emplois à domicile. 53,4%. Les précisions de Guillaume Brionne, le président de la FEPEM Réunion. En métropole, il y a 3,5 millions de particuliers employeurs et 1,7 million de salariés. À La Réunion, il y a 28 000 particuliers employeurs qui déclarent à un ou plusieurs salariés et ces salariés sont 16 000 en activité. C'est presque autant que le BTP. Mais à La Réunion, les formes d'emploi sont différentes. En métropole, les salariés s'occupent des personnes âgées, s'occupent de la maison, mais souvent, et plus souvent qu'à La Réunion, s'occupent des enfants. C'est plutôt des emplois liés à la garde d'enfants et aux assistants maternels, donc au domicile des assistants maternels. À La Réunion, c'est un petit peu moins le cas. La forme la plus fréquente d'emploi, c'est celle d'assistante de vie qui s'occupe des personnes âgées et dépendantes ou des personnes porteuses de handicap, donc des personnes fragiles. C'est pratiquement 8 cas sur 10. Guillaume Brionne, président de la FEPEM Réunion, interrogé par Joanne Adamadorassi. Un mot de politique, le projet de loi sur l'égalité réelle outre-mer arrive aujourd'hui devant les députés. Quelles sont les principales mesures? On peut citer l'école obligatoire de 3 à 18 ans, les zones franches globales à partir de 2019, ou les 150 000 logements à construire dans les prochaines années. Prévu également l'alignement du complément familial et de l'allocation vieillesse. Une information qui intéresse évidemment nos Ramoun, même s'ils vont avoir la tête ailleurs ces prochains jours. La semaine bleue a débuté hier dans l'île. À Saint-Joseph, les 14 clubs de la 3e jeunesse ont été invités. Au programme, animation dansante, rencontres, interclubs autour d'un pot de l'amitié, un défilé dans la rue principale a également été organisé. Des animations, de la musique pour le plus grand bonheur des Ramoun. Dans l'ambiance, il vient de rencontrer de nouveaux amis. La journée commence bien, c'est la première fois qu'il vient. Alors pour moi c'est important. Des amis, des camarades, tout ça est permis de retrouver. Ben, c'est une semaine, c'est une façon de retrouver à nous, tous les vieux. Et ben, tout le monde ensemble, hein. Tout le monde est réuni, tous les clubs et. C'est une belle semaine. Longtemps, j'étais dans ma petite bulle, je ne voyais pas rien autour de moi. Et maintenant, depuis que j'ai rencontré la 3e jeunesse, eh ben, croyez-moi, vraiment, ça me met de la joie dans le cœur. Et puis, il permet à moi de rencontrer les personnes. On revoit les gens que nous n'avons pas vus depuis longtemps. Et puis, on est contents tous ensemble. Des réactions recueillies par Pierre Comorassami. La semaine bleue, c'est jusqu'à dimanche. C'est la fin de ce journal local. Place maintenant à l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de France Info. Ce matin, Fanny Bouvard. Le gouvernement, au secours du site d'Alstom à Belfort, il prépare une commande de 500 millions d'euros. En clair, l'État va acheter 16 TGV sans passer par la SNCF. Des trains qui ne rouleront pas à grande vitesse puisqu'ils sont destinés aux lignes intercités gérées par l'État. De quoi apporter du travail pour près de 2 années au site et éviter ainsi son transfert. Le plan de sauvetage complet va être dévoilé ce mardi matin à Belfort par le secrétaire d'État à l'industrie, Christophe Sirugue. L'otage franco-tunisienne Noura Nouas, enfin libre, l'humanitaire était retenue en otage au Yémen depuis le 1er décembre dernier. Enlevée par des hommes armés alors qu'elle se rendait à son travail, elle a été transférée à Mascate, la capitale du sultanat d'Oman. Le sultanat qui a joué un rôle clé dans cette libération, comme le laisse entendre François Hollande. Dans un communiqué, le président de la République a par ailleurs salué le courage de Noura Nouas et dit partager la joie de sa famille. Alors que les combats se poursuivent à Alep, 11 jours après le début de l'offensive du régime syrien soutenu par la Russie, les États-Unis annoncent qu'ils suspendent les pourparlers avec Moscou. Les deux pays continueront à échanger des informations pour éviter des incidents militaires dans le ciel syrien, mais plus question de négociations pour parvenir à une trêve durable sur le terrain. Selon le porte-parole de la Maison-Blanche, il n'y a plus rien dont les États-Unis et Moscou puissent discuter. La Russie qui assure regretter cette décision. Plus de 6000 migrants ont été sauvés en Méditerranée ce lundi, pris en charge par les gardes-côtes italiens alors qu'ils tentaient d'atteindre l'Europe. Il s'agit de l'un des sauvetages les plus importants réalisés en une seule journée. Depuis le début de l'année 2016, 132 000 migrants ont tenté la traversée jusqu'en Italie. L'ouragan Matthew continue d'avancer dangereusement vers les Caraïbes. Il devrait atteindre dans les prochaines heures Haïti, puis Cuba et la Jamaïque. Ces vents pouvant atteindre 230 km/h font craindre d'importants dégâts. Les autorités haïtiennes annoncent déjà 2 victimes en mer. Dès vendredi, un homme est mort après le naufrage d'une pirogue au sud d'Haïti et une autre personne est portée disparue après un naufrage d'une pirogue. Un nouveau venu chez les Bleus, Didier Deschamps a appelé pour la première fois en équipe de France l'international espoir Presnel Kimpembe pour les matchs contre la Bulgarie et les Pays-Bas. À 21 ans, le jeune défenseur du Paris Saint-Germain intègre le groupe de Bleus en remplacement d'Eliakim Mangala, blessé à la jambe droite et donc forfait pour le match de vendredi prochain contre la Bulgarie. Il est 5h12 sur la première. La météo avec Sirius Réunion. Chauffe-eau solaire, nouvelle génération. Mickaël, il fait noir. Ah oui, donc bah je vois ça, rien. Ça, c'est une belle constatation. Mais est-ce qu'il y aura du bleu? Mais hier, on a eu du bleu à un moment, et puis le gris est vite arrivé avec la pluie qui est tombée sur une large moitié nord de l'île. Et bien sûr, on est rentré dans un temps beaucoup plus humide, une atmosphère plus humide et chaude, vous l'avez ressenti. Et les nuages de la journée se sont dissipés hier, mais d'autres sont arrivés, notamment cette nuit, ont donné quelques ondées sur la partie nord de l'île. Ils resteront accrochés sur les reliefs de l'Est et rentreront encore dans le cirque de Salazie donc aujourd'hui, en cours de matinée. Puis ailleurs, le soleil sera bien présent avec un ciel peu nuageux. C'est l'après-midi que les nuages de pente vont arriver sur les mi-hauteurs et auront une préférence pour les hauteurs de Saint-Leu. Et globalement, la région ouest, la région du Dimitil et du Tampon aussi seront concernées par cette grisaille. Les températures vont bien remonter avec 29 degrés sur le pourtour du littoral au maximum, avec 29 par exemple à Saint-Gilles, et de 16 à 21 degrés dans les hauts, 16 au volcan et 21 degrés à la plaine des Cafres. La météo avec Sirius Réunion. Chauffe-eau solaire, nouvelle génération. Grand matin avec Isabelle Waraud et Mickaël Lorette. Salut la Réunion. Hello, hello. Comment ça va, Isa? Ça va très très bien. Ben oui, pour certains, ça doit être dur ce matin. Ouais, mardi 4 octobre, il faut encore se réveiller, nous. Ça nous fait plaisir en tout cas que vous soyez là. Le matin, on vous attend par SMS comme d'habitude, 06 92 70 2000. On vous attend aussi sur Facebook. Cette fameuse page Grand Matin. Ça même. Oui. Vous pouvez même liker, envoyer un petit message et vous participerez tous au grand tirage au sort de vendredi à la clé votre nuit d'hôtel. Oh, où ça? À Sillaos, rien que pour vous. Et il y aura également aujourd'hui tirage au sort pour repartir avec deux invitations pour aller au cinéma. Vous irez voir Radin avec Danny Boone si, bien sûr, vous likez la page ou encore... Vous nous envoyez un petit message, c'est comme ça que ça se passe ici et nulle part ailleurs. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des animaux. Mm-hmm. On en parlera tout à l'heure, parce qu'il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Voilà. Et puis, il y en a beaucoup qui aiment aussi, parce qu'il y a beaucoup d'animaux en France. Tu m'étonnes. Regardez. Je ne sais pas si Prisca aime les animaux. Coucou Prisca. Coucou. Oula, votre chat, il a fumé quoi? Maminette. Il a quel âge le chat? Il a quel âge ce chat? Parce que... Ah mais c'était une imitation d'un faille chat. C'est pour rigoler. En fait, on va parler de superstition, vous savez, tout à l'heure dans la colle Jacques. Ah bon? Et on va parler de mimites. Oui. Des matous qui coupent la route, là. Sa mère. Aïe. On connaît quand il pleure. Bon, finalement, le chat, quand il pleure, là. Il parlait pas bon, ça. Ah, c'est pas. Ouh là là. C'est pas drôle. En général, c'est pendant leur période de chaleur. C'est ça. Sinon, ça. Avec les esprits. Mais sinon, bon, ça, il y a le marché, Prisca. Oui, bah à part oui, histoire bébête là. Le marché. S'il te plaît. On va à Saint-Suzanne ce matin. On vous attend dans l'Est. Parfait. On ira prendre la direction de Sainte-Suzanne. À toutes. T'as un chat noir, Prisca, toi? T'as un chat noir? Non, j'ai pas de chat, mais par contre, une bonne nouvelle, pour ceux qui se réveillent, on peut apercevoir les premières lueurs du jour. Déjà? Moi, je vois rien. Ah bah oui, Prisca... c'est normal, ou Prisca... dans le bocal. Prisca, tu as fumé la même chose que ton chat, non? Non, je sais pas, je vois pas de lueur du jour. C'est moi. Pas un lampe, oui, pas soin un lampadaire plutôt. Non, c'est normal, vous êtes à l'intérieur. Ah, là, c'est pour ça. On peut apercevoir les premières. Bon, on te fait confiance, Prisca. Hein. Bah oui. Ouais, d'ailleurs, soutenez-moi là, les auditeurs. Voyez des messages. Les premières lueurs du jour. 70-2000. Si vous les voyez aussi. Vous voyez aussi les premières lueurs du jour. Parce que vraiment, nous d'ici, on voit rien. Parce que nous, on voit le noir. Bon. À tout à l'heure, Prisca. Le club de la presse sur Réunion Première. Nous allons passer trois quarts d'heure ensemble, voir ce qui fait l'actualité à La Réunion et puis le commenter avec nos confrères de la presse locale, presse écrite et presse en ligne. Le club de la presse tous les mardis à 18h15 sur Réunion Première. Première. Nous sommes le 4 octobre. Nous sommes mardi. Mais Juliette est de retour. Bonjour Juliette. Bonjour tout le monde. Nous sommes mardi, le 4 octobre, nous fêtons les François. Merci d'être là. Je suis contente d'être avec vous pour l'horoscope tout de suite de la première qui arrive. Bélier, vous êtes sur la bonne voie côté professionnel. Taureau, c'est la grande forme pour l'ensemble du signe. Gémeaux, même s'il y a des choses qui se passent mieux, il y a quand même quelques petits détails qui restent gênants dans votre vie. Cancer, après une période très chargée, vous ne trouvez plus vos marques. Vous voilà comme une âme en peine. Lion, côté cœur, c'est un peu le creux de la vague en ce moment. Vierge, il va falloir se plier au désir des autres. Vous n'êtes pas seul à décider. Balance, votre façon habituelle de séduire les célibataires ne semble avoir aucune prise sur la personne convoitée. Scorpion, une pointe d'humour et vous détendrez l'atmosphère partout où vous passerez. Sagittaire, beaucoup de fantaisie aujourd'hui, de couleurs aussi. Capricorne, fuir vos responsabilités, pas question. Verseau, vous avez beau faire une fois de plus le tour de la question, vous ne trouvez franchement pas de réponse idéale. Poisson enfin, pas de panique, tout va s'arranger. Sans doute en cours de soirée. Belle journée à tous. Merci Juliette. Allez, on file sur les hippodromes ce matin. On va filer à Anguin, justement, puisqu'hier, il y avait un tiercé quarté quinté plus. Exactement. Et pour gagner, il fallait jouer le 4, le 5, le 7, le 13 et le 14. 4, 5, 7, 13, 14. Numéro plus gagnant, 27,97. Cet après-midi, le quinté va se courir à Auteuil. Le prix Guillaume de Pracompal. Avec un départ prévu à 15h47, 18 partants, 3600 mètres à parcourir et 6 150 000 euros dans la tirelire. Voici les pronostics du Fouineur du Gers. Partenaire Réunion Première qui vous conseille le 9, le 6, le 5, le 2, l'As, le 3, le 11 et le 4. 9, 6, 5, 2, As, 3, 11 et 4 pour votre quintet cet après-midi à Auteuil. Départ prévu 15h47. Et puis c'est comme d'habitude, n'oubliez pas, pour que le jeu reste un plaisir, jouons responsable. Eh ben oui, ça c'est... vous connaissez la phrase habituelle. Bah oui. Hein. La bonne nouvelle, si vous êtes réveillé sans le savoir, la route du littoral est rouverte sur quatre voies. Et rien que ça, c'est une bonne nouvelle. On se souvient d'hier, c'était catacata. Hein. Ça va certainement vous faire du bien. Oh, et oublier les plus de 16 km de bouchons qu'on avait hier matin. Allez, basse terre, Gaillard est là, et puis ensuite on parle de la journée mondiale des animaux. Les bons. Où ça que les gaillards n'allez là-haut, là les cocos n'allez là-bas. Où ça que les gaillards n'a casse coco n'a boire de l'eau. N'allez là-bas. Oui, tout est le gaillard. N'a roule ses gars. Et n'a danse maloya. Là-bas, la case baba. Carré, la case lélé, Nadi Adié, Ramon bébé, la base carré, la case le roi, case le roi, côté les vrais. Côté bon Dieu, là-bas, la case baba, Yewa, Kayalela, là-bas, la case baba, Yewa, l'ambiance nena, Kayalela, n'allez là-bas, wa Maxime, la case Madina, sacre les gaillards. Nadia Likaya, les morts dans le canal. Oui, n'a roule, c'est gars, si Benoît, les lames à la gueule. Oui, n'a roulé, n'a crasé, jusqu'à terre. N'allez là-haut, oui, là-haut, à Pierrot, dans un lot, là, les cocos. Patate, n'a les casse, mon polo. Oui, n'allez là-haut, tiens, sa popo, zako, dans un black show. N'allez là-bas, casse baba, là-bas, la casse baba. l'éternité. Là-bas, la case baba. Et il est 5h22 dans toute la Réunion et aujourd'hui, eh ben on va fêter les animaux. Journée mondiale des animaux. Alors bah il y a ceux qui aiment et il y a ceux qui aiment pas. Il y a combien d'animaux domestiques à ton avis Isa en France en général hein, je parle France plus Tom-Tom. Oh, bien fait, plus. Ça fait trop ? Bien ah, plus. Bien plus d'animaux. 30 ? Bien plus. Non. Bien plus. Moi le chiffre m'a étonné. C'est le double, 63 millions d'animaux domestiques, presque autant d'accord. Français humains, oui, 65 millions et quelques de Français. Et l'animal préféré des Français est le poisson. Le poisson, en effet, et ça on peut des fois être un peu surpris aussi, suivre les chats et les chiens. Qui ne sont que troisième. Oui. Alors il y a ceux qui aiment les animaux, hein, qui sont bah, vraiment des fervents défenseurs de la cause animale, bah, oui. Et il y a ceux qui n'aiment pas du tout, ou alors qui ne connaissent rien aussi. Témoin sondage qu'ils ont fait aux États-Unis là chez les ricains, ils leur ont demandé ce que c'était le Blu-ray. Mais le Blu-ray, c'est comme le truc de CD là, DVD voilà, Blu-ray. C'est un peu comme le DVD. Ouais. Eh bien, il y a 18% des Américains sondés qui ont eu le moyen quand même de répondre que c'était une raie bleue. Voilà, un animal bleu. Ça, ben, elle a rêvé ou quoi ben, le Blu-ray. Voilà. Effectivement, c'était la traduction la plus simple. Blu-ray. Bon, okay, ça c'est bon, ceux qui connaissent pas grand chose aux animaux, mais il y en a franchement qui sont super pointus à tel point que leur chien est devenu le roi dans la famille. Eh ben oui, et il mérite, Michael, comme ça, toutes les attentions, on a envie de le gâter, de lui faire plaisir, par exemple. Toi aussi, Isa, t'aimes bien ton chat. Hein. Oui, mais après, faut pas déconner. Par exemple, pour que Toutou fasse dodo, si tu veux, il faut un endroit, un petit. Ouais, une niche. Bon, ben, une niche, un panier, suffit, un machin. D'accord Tu fais quoi? Tu redonnes à faire un vieux oreiller ou un. Ben non! Tu peux, si tu veux, offrir à ton chien le panier à 203 €. Le plaid pour chien, le petit lit en peau de vachette à 800 €. Ok, très bien. Combien ça fait, ça, au final, la facture? Fait cher, le un chien. SMIC, hein. Un SMIC, bah, le chien, oui. Quoi. Alors, il y a des colliers, tu sais, dans le cou du chien, près de 200 €. Des lunettes de soleil pour chien. Bah oui. Les chaussettes pour Toutou, enfin, par deux ou par quatre. C'est le chien avec Kim Kardashian, là, ça. Non, non. Hein, qui se balade avec 9 millions de bijoux et qui se fait dérober ses bijoux hier. Il y a des sites internet comme lesfauvemondins.com, tu peux aller. Il y a des couches pour chien. Ça, je trouve ça extraordinaire. Et le bandeau anti-pipi pour ton animal. Remarque, ça, c'est pratique. Les couches pour chien, ça lui évite de pisser partout. Et après que vous nettoyez. Bon, d'accord, Ça t'aime bien alors. Ça, c'est pas mal. Allez, bandeau pour pipi, c'est quoi exactement ça? Bah, en fait, c'est un bandeau comme ça que tu mets sur le chien, au niveau de son kiki, quoi. Ouais. Et ensuite, bah, quand il fait pipi. Et ben ça va dans le bandeau, mais ça coule pas partout quand t'es chez la voisine ou chez ta copine. C'est bien aussi. Enfin, bon. C'est bien aussi. Allez, Toutou a une petite faim, une petite friandise, on va lui offrir. Eh bien, on va aller sur le site laboulangeriepourchien.com. Vous avez bien entendu, laboulangeriepourchien.com. Alors, on peut trouver du cupcake pour chien. 7 € le cupcake, quand même, mon camarade. Façon, le gâteau pour chien à 12 €. Okay. Il faut savoir qu'aux États-Unis, le business du marché pour chien de la bouffe est aussi élevé que le chiffre d'affaires de McDo. Ah ouais. Ah ouais, ça calme. Ah oui, c'est vrai que là, voilà. C'est et quand même important. Et les pâtisseries pour chiens, tout ça, eh bien, se développent. Pâtisserie pour chien. Tu peux lui faire son biscuit avec son prénom dessus, tout ça là, non, tout mais ça là. En fait, en même temps, Isa, au point où on est arrivé, au point où je suis arrivé à la facture, je pense que là, on ne regarde même plus à la dépense. Bah oui. Hein, bon. Attends, bon. Je t'achève. Allez, combien? Je vais t'achever. Combien? Ah, on fait comme combien. Un marché. On fait comme un marché. Combien? Combien? La fête d'anniversaire pour chiens, la canifette, bah ça ouais. se développe et de plus en plus. Et donc on invite les chiennes et les chiens, c'est exactement, ça du bon. Quartier. Alors une canifette se fait généralement en plein air, dans un parc, etc. Le phénomène explose aux États-Unis, ça arrive en France, au Canada, et tu peux même, là-bas, à Toronto, embaucher quelqu'un qui est payé pour organiser ta canifette. Et le gâteau, c'est un gâteau spécial pour chiens, parce qu'attention, il ne donne pas n'importe quel... Il ne donne pas sucreries animaux, notamment le chien. Bah oui, parce que ça rend aveugle, ça. Voilà, par exemple, il fait le diabète, tout ça là. Eh bien, en fait, ils font des gâteaux de viande spéciales pour ton chien. C'est mignon. C'est mignon, c'est la canifette. Bon, en fait, c'est un vrai enfant, mais ça coûte même plus cher qu'un enfant quand on regarde le. Bah, il dépend, pas tant que ça. Enfin, bah, ouais, c'est des prix. Pas tant que ça. Parfois un peu excessif, je trouve. Hein. Ouais. Bah, je sais pas, est-ce que vous faites autant pour votre chien, vous bah, dites-le-nous, là, par SMS 0692. Ah, donnez-nous aussi les noms de votre chien, 70, j'aime bien les noms de chiens. 70-2000. Il y a une télé aussi pour les chiens, oui. C'est ce que me disait la voix du studio. Enfin, il y a un peu de tout. Hein. Bah oui. Ça veut dire que si vous n'avez pas eu d'enfant, vous reportez tout votre amour sur votre chien. Non, c'est un peu ça, quand vous regardez bien. Non. Il y en a qui n'ont pas d'enfants. Et il y en a qui ne peuvent pas en avoir. Donc, du coup, ils ont un chien. Ouais. Ou des poissons. Ou des poissons. Plein de poissons. Bon, au moins, ça coûte moins cher. Et ça ne fait pas de bruit. Nathalie Cardone, à Stassième Près. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revoluciona, donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. À Stassième Près, Nathalie Cardone, 1999. Ah ouais, quand même. Eh oui, 17 ans, cette chanson à la gloire de Che Guevara. Voilà. Ah, commandante. C'était quoi ce faille accent? Che Guevara. Ouais. Je m'entraîne un peu comme pour faire les accents à la Isa, en fait. Hein, le vieil accent anglais. Pourquoi, moi, j'ai le vieil accent espagnol. Comme ça? Non, mais toi, c'est en anglais. Moi, en espagnol. Commandante Che Guevara. Jamais fait l'espagnol de ma vie, d'ailleurs. Eh ben oui, ça se voit. On salue tous ceux qui sont là par SMS au 70-2000 et qui nous disent que le jour se lève. Voilà, comme donc, ça, Prisca avait raison. Voilà, 5h30 sur la première. Il n'y a que nous qui ne voyons pas. C'est l'heure du journal. Cécile Thomas, bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour Mickaël, bonjour à tous. 3 heures d'intervention pour libérer des otages et soigner des blessés. L'aéroport Roland-Garros était cette nuit le théâtre d'une opération des forces de l'ordre, un exercice simulant une attaque terroriste. Notre journaliste Laurent Figon était sur place. Explication dans ce journal. On roule sur 4 voies sur la route du littoral ce matin. Des purges de la falaise ont permis de rendre la route aux automobilistes. Le feu sur la falaise est lui maîtrisé. Dans les coulisses du BTP, vendredi prochain, les élèves seront invités à découvrir de grands chantiers et les métiers qui vont avec. Explication dans ce journal. Et puis, un écrivain à la rencontre de ses lecteurs. Mohamed Mbougarsar était au lycée Le Vavasseur à Saint-Denis hier et Jean-Paul Mélade aussi. On commence avec cette nuit agitée à l'aéroport après l'arrivée du dernier vol de l'île Maurice. L'aérogare, vidée de ses passagers, s'est remplie de figurants. Les autorités ont mené un exercice grandeur nature, un entraînement pour faire face à une attaque terroriste. On pense aux images de l'aéroport de Bruxelles et des bombes activées par les djihadistes. Cette fois, les passagers ont été pris pour cible au départ et à l'arrivée avec une prise d'otage. Laurent Figon. 23h30. Six hommes armés pénètrent dans l'aéroport au niveau des formalités de police. Ils tirent sur tous ceux qui se trouvent sur leur route. Des passagers s'effondrent, blessés ou mortellement touchés. D'autres arrivent à s'enfuir et à se mettre à l'abri. Je vous rassure, ceci n'est qu'un exercice grandeur nature. L'objectif est de tester les capacités des services de sécurité et de secours face à la menace terroriste. Le GIGN et le GIPN ont travaillé de concert pour sécuriser les lieux, soutenus par les patrouilles vigipirates de l'armée. Une fois les terroristes neutralisés, les secours prennent le relais. Les pompiers évacuent les blessés les plus graves au poste de regroupement des victimes situé à la sortie du parking de l'aéroport. Là, ce sont les urgentistes qui répartissent les patients selon les différentes disponibilités dans les hôpitaux et cliniques de l'île. 2h du matin, l'exercice prend fin pour les 200 personnels et presque autant de victimes volontaires. Retrouvez le reportage d'Éric Lenné et de Laurent Figon dans le journal télé de Réunion Première. Dès 12h30, l'aéroport, les travaux en cours et la sécurité. On en reparle ce matin avec l'invité de la matinale, Jean-Paul Noël, président du directoire qui gère l'aéroport Roland-Garros, répondra aux questions de Philippe Dornier dès 7h15. On roule sur quatre voies sur la route du littoral ce matin. Un peu d'air pour les automobilistes. Hier, la route avait dû être coupée le temps d'effectuer des purges de la falaise. Plusieurs blocs se sont détachés. La falaise qui a été fragilisée par un feu qui a ravagé une partie de la végétation. Un feu maîtrisé par les pompiers mais toujours sous surveillance. Des feux, il y en a eu d'autres hier. Journée difficile pour les pompiers dans l'ouest à Saint-Paul du côté de Plateau-Caillou et à Saint-Louis où plusieurs hectares de cannes ont brûlé. Tous ces incendies ont été maîtrisés. Et notez que la route du littoral sera de nouveau fermé dimanche matin pour de nouvelles purges. Les carrières pour le chantier de la nouvelle route du littoral. On en reparle ce matin. Jean-Pierre Marchaud était l'invité de Devant la Réunion hier soir sur Réunion Première. Le secrétaire régional d'Europe Écologie Les Verts s'interroge sur les intérêts des carriers et des transporteurs à choisir tel ou tel site d'exploitation. Pourquoi les carriers, que ce soit Guintoli ou la CPR, nous proposent des gisements qui sont à plus de 30 km du chantier? Pourquoi? Alors que si on lit le rapport du BRGM, on sait qu'il y a des carrières à la montagne, Saint-Bernard, la pointe du Gouffre, qui sont juste à côté. Eh bien, quand le transporteur fait plus de 30 km, ça double le prix des matériaux qu'il va livrer. Les carriers ont tout intérêt à exploiter des carrières qui sont à plus de 30 km du chantier. On transporte chaque année 2 millions de tonnes de cannes, 2 millions de marchandises et 7 millions de granulats. Donc effectivement, il y a 1000 sociétés de transport à La Réunion à peu près, dont la moitié a à voir avec les transports des granulats. Donc il y a une connexion intime entre les transporteurs, on le voit avec le grand marché, voilà, et les carriers. Jean-Pierre Marchaud, le secrétaire régional d'Europe Écologie Les Verts, interviewé par Gaël Le Dantec. Thierry Robert, le député maire de Saint-Leu, veut lui demander une enquête ministérielle sur les besoins en roche pour la construction de la route. Le chantier de la nouvelle route qui accueillera des visiteurs vendredi prochain, nouvelle édition de l'opération Les coulisses du BTP. Des jeunes chausseront un casque et de bonnes chaussures pour découvrir 5 grands chantiers en cours à La Réunion. Une journée pour découvrir et comprendre les métiers de cette filière. Hier, le BTP traverse une zone de turbulence, mais les métiers à découvrir lors de ces portes ouvertes sont nombreux, Nadine Bachelot. C'est une opération de séduction que lance le BTP à destination des jeunes. Cette année, 5 chantiers seront accessibles au grand public. La construction du pôle sanitaire de l'Ouest, la construction du viaduc en mer de la nouvelle route du littoral, la construction d'un centre commercial à Beau Séjour, le confortement des appuis du pont métallique de la rivière des Pluies et la construction du lycée de Bois-de-Nèfle Sainte-Clotilde. Une façon de montrer le poids du BTP dans l'économie locale. Bernard Siriex, le président de la FRBTP, la Fédération Réunionnaise du Bâtiment et Travaux Publics. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires du BTP avec la route du littoral, c'est aux alentours d'1,3 milliard, ce qui est relativement bas puisque nous étions à 2,8 milliards il y a quelques années hors chantier exceptionnel, mais avec la défiscalisation des logements, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui puisque nous en faisons très peu. Donc nous avons un effectif de un peu plus de 16 000 personnes alors que nous avions prévu 20 000 personnes pour cette année. Des chiffres malheureusement en baisse. Deux raisons à cela. Nous n'avons pas eu les logements sociaux à construire tels que c'était prévu. Et la route du littoral, avec tous les déboires que nous connaissons sur les carrières ou autres, aujourd'hui on n'atteint pas le chiffre prévu, aussi bien en chiffre d'affaires qu'en effectif de salariés. Cette opération fait encore carton plein cette année. Des classes de 3e aux écoles d'ingénieurs en passant par les classes préparatoires. Tous ont répondu présents pour être dans les coulisses du BTP. Nadine Bachelot. Une semaine pour s'informer sur l'emploi à domicile entre particuliers. C'est en ce moment, c'est la FEPEM Réunion qui pilote l'opération. Plusieurs animations sont prévues jusqu'à vendredi. L'occasion pour employés et employeurs d'en savoir plus sur les modalités des contrats à mettre en œuvre. L'idée étant d'en finir avec le travail au noir, Johanna Adamadorassi. L'emploi déclaré, c'est gagnant aussi bien pour l'employé que pour l'employeur. Le message de la FEPEM à l'occasion de la semaine de l'emploi à domicile entre particuliers. Selon Guillaume Brian, son président, trop de gens pensent encore que cela revient moins cher de ne pas déclarer. Si vous déclarez votre salarié, vous bénéficiez d'allègements de charges de l'ordre de 3,70 € par heure et vous bénéficiez aussi des avantages liés à la fiscalité, c'est-à-dire que même si vous ne payez pas d'impôts, vous pouvez avoir un crédit d'impôt, c'est-à-dire que l'État vous rembourse une partie des sommes que vous avez dépensées. Au final, le particulier qui déclare paie moins cher la prestation, mais l'employé est également favorisé. Eva l'a compris il y a 4 ans après une longue période de travail au noir comme femme de ménage. On a travaillé au noir pendant 10 ans, comme après on a parti en métropole, on a travaillé déclaré. On a vu l'avantage que tu donnes à moi de travailler déclaré. Ça fait 4 ans vraiment que je travaille déclaré. Aujourd'hui, Eva bénéficie d'une protection sociale, donc d'une couverture maladie. Elle cotise également pour sa retraite. Il y a quelques années encore, elle n'avait pas cette tranquillité d'esprit. Quand vous travaillez non déclaré, vous travaillez pour aujourd'hui, le présent, mais pas après pour l'avenir. On n'a plus rien après. Et plus d'infos auprès de la FEDEM Réunion, la Fédération des particuliers employeurs de France. Toute cette semaine, Philippe Dornier reviendra ce midi sur Réunion Première. C'est dans l'actu, sera consacré à ce titre de travail. Rendez-vous dès midi 15. Les lycéens lui ont décerné le prix Métis en 2015. L'écrivain sénégalais Mohamed Mbougar Sarr est à La Réunion. Il a rencontré hier des lycéens de terminale L du lycée Le Vavasseur à Saint-Denis. Son livre Terre Sainte a fait grande impression. Terre Sainte se passe dans la ville de Calais, terrorisée par le puissant et sanguinaire chef de la police, Abdelkarim. Face à lui, sept hommes et femmes se rebellent. Parmi les nombreuses questions posées à Mohamed Mbougar Sarr hier par les lycéens, est-ce que l'écriture de son roman a changé sa vision du monde? Écoutez sa réponse. Oui, ça a changé mon regard sur le monde parce que ça apprend la patience. Lorsqu'on écrit, on écrit toujours souvent a posteriori, on a toujours un peu de recul. Et la forme même de l'écriture impose que ce soit patient. Voilà, ça impose qu'on prenne le temps d'analyser les choses, de bien les sentir, d'essayer de trouver ce qu'il y a d'essentiel en toute chose. Ça a changé ma vision du monde aussi. Qui change tout le temps en réalité. L'expérience romanesque, littéraire, par la lecture ou par l'écriture, fait qu'on on essaie d'aller au-delà de ce que l'on voit. Mohamed Mbougar Sarr, interrogé par Jean-Paul Mélade. Et Mohamed Mbougar Sarr, que vous retrouverez jeudi dans Culture Première à 18h15, sur Réunion Première, bien sûr. Merci Cécile, et la retour de l'information à 6h avec Florent Marot. 5h40 sur la première. Boostez votre journée en suivant la météo avec Fanamalt, boisson énergisante. Ah, moi je vous le dis aujourd'hui, petit avant-goût d'été. Ouais, mais un avant-goût d'été, l'été c'est aussi les pluies. Hein. On a eu hier des pluies qui ressemblaient à l'été. C'est la saison des pluies aussi. On a eu une grosse pluie hier sur le département. Alors entre la Possession, en passant par Sainte-Rose et Saint-Philippe, on a un ciel assez nuageux encore ce matin, avec quelques averses, aussi bien sur les hauts que sur le littoral. Il pleuvait tout à l'heure sur Dodane, sur les hauteurs de Grand-Coude ou encore sur la région de Saint-Benoît. Ce sont des petites averses, mais ça tombe tout de même dans une atmosphère assez humide ce matin. De l'autre côté, le ciel est un peu plus dégagé, mais globalement, le soleil va revenir. Ça va vous faire plaisir, ainsi qu'à toi, Isa. Et le thermomètre va grimper avec 29 degrés attendus sur les plages cet après-midi. Ça, c'était prévu depuis la semaine dernière. On vous avait dit que les journées allaient être chaudes, un peu plus chaudes en tout cas. Il fera 16 au volcan et 21 degrés à la plaine des Cafres. Des nuages vont s'installer tout de même sur les hauteurs cet après-midi, sur l'hauteur de l'ouest, et pourraient donner quelques averses par endroit. Et on garde la même prévision que la semaine dernière. Demain devrait être la journée la plus chaude de la semaine, avec du soleil a priori. Depuis le temps que tu dis ça, ouais. Si ça n'a pas arrivé là. On verra demain. Boostez votre journée en suivant la météo avec Fanamalt, boisson énergisante. Alors, comment ? On ira sur le marché, ça c'est sûr. On peut pas se tromper. Aujourd'hui, mardi, direction Sainte-Suzanne, voir un peu que ça n'est là comme fruits, que ça n'est là comme légumes. Et puis surtout, donner des idées aussi. Hein. Qui on va rencontrer encore à nouveau, ah, ça, comme chaque belle, matin, celle-là. C'est ça, c'est l'expérience insolite, l'expérience à l'inconnu. Et puis on vous offrira votre toute dernière place de concert pour Enfants Zilou à l'événement Réunion Première. Avant 6h, c'est promis. Maintenant, Daisy, Emmanuel Vara. La dit la Réunion, les nabons cafés beaux. Si un mon métissage depuis d'un temps, nous l'arrive pas partout. Le petit coulet à métisser noir, blanc, la peau dorée. N'a été fait exprès, rien que pour nous, Catherine, contempler. Un des trois, il roule le ravi en serrier. Quand il danse ses gars, il voit d'un vin le sans esclave, la peau coulée. Même si des fois, sautier les un peu collé. Le café contrôle, inquiète pas, sa qualité Bob Marley. Café bizarre comme un malga, qui n'a fait 12 oreilles ex-africains. La mélanger tout ça là, la fait la beauté avec l'unité qu'elle a rassemblée et nous appelle ça. La mélanger, tout ça là, la fait la beauté, avec l'unité, que la rassembler, et nous appelle ça, réunionner. Guillaume Capine, des six côtés, que son zier bridé, débardé à école, des six labos, avec son corps musclé. La Détroit, puis les bien coiffés, et poussière teint, peine. Il passe pas d'un sauvé. L'homme tout ça, nena, chacun son personnalité. Senti mauvais tant qu'il pas son Catherine. Il est aimé. Et ça va en boîte pour se draguer. Mais des personnes sont bonnes, Catherine y attend. Senti cap, mais tu sais. La beauté avec l'unité qu'elle a rassemblée et nous appelle ça rayonner. La vie sera comme un malgache. Chinois, j'ai deux oreilles ex-africains. La mélanger, tout ça là, la fait la beauté avec l'unité que la rassemblée et nous appelle ça rayonner. Manu, get ça. Queen. Oh, t'as pas la diarou. T'as le grand pire, sympa, tu vois pas ça, oui. Moi c'est ma fille trop beau, trop beau, trop beau, trop beau. Ah mon Dieu, mais tu vois tout. Ah mon Dieu, c'est gay, pas, gay, pas. Oh, ça va. Ah ma fille, mais trop bien. Oula. Café à bizarre comme un malga. Tu m'as fait deux oreilles ex-africains. La mélanger, tout ça là, la fait la beauté avec l'unité qu'elle a rassemblée et nous appelle ça rayonner. Café à bizarre comme un malga. Café métissé. Daisy et Emmanuel Ibarra. Bon, bien démarre la journée. Bah oui. Celui que vous aimez, les femmes, ouais, ce petit caf métissé. Daisy, Emmanuel Ibarra. Un petit message pour Cookie. Je peux ? Bah, Cookie, le chien. Ah oui, oui, Cookie. Puisque c'est Nadine qui nous a envoyé un message pour nous dire que son chien Cookie, il dort dans un niche 70 euros. Bah, c'est bien aussi. Bah voilà, c'est moins cher. Tu m'étonnes. Salut à tout le monde sur le 72 000. À tout de suite sur Première. Le zapping radio. La P. C'est OSS. C'est S. Jazzy. Comment? Zagi. J'entends pas. Jazzy. Oh là là. Épidémiologiste. Tout à fait. Le zapping radio de Jackie Revel. Du lundi au vendredi à 7h45 et 13h20 sur Réunion Première. Voilà. Comment? Pardon? Comment? Oh là là. Envie de booster votre carrière? Le diplôme universitaire gestion des ressources humaines de l'IAE. Faites évoluer vos compétences et ouvrez-vous de nouvelles perspectives. Une formation courte en cours du soir, à partir de Bac plus 2, DU, GRH de l'IAE. Renseignez-vous et candidatez maintenant sur www.iae-reunion.fr. IAE, l'école universitaire de management. Première. On va prendre la direction de Sainte-Suzanne, mais alors vraiment, parce que nous, on aime le marché. Ben le oui. Matin, à l'intérieur de la Réunion, c'est Prisca qui nous attend. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Prisca, est-ce que Nena a déjà du monde ces heures-ci sur marché forain Sainte-Suzanne? Oui, il y a, enfin, on va dire que les consommateurs, ce sont plutôt les bazardés de proximité qui viennent ici pour acheter des fruits et des légumes, hein, pour remplir leurs étals. Mais tout à l'heure, je pense qu'ils arriveront dans vers 6h, 6h30. Okay. Ils vont bien se réveiller. En tout cas, le jour est arrivé, n'est-ce pas, Anaïs? Et on l'a confirmé. Oui, enfin, on voit le soleil de bonheur. C'est agréable. Oui, au moins pas besoin de lampe frontale. Ça, c'est vrai, pour s'installer. Donc Anaïs, elle vient de la plaine des Cafes avec Ticoc. Et là, qu'est-ce que l'on est en train de faire là, Anaïs, à coup de couteau? Ben, en fait, là, j'enlève un peu la peau sur les songes gris pour pouvoir montrer aux clients que c'est bien sec, que c'est pas abîmé à l'intérieur, pour qu'ils voient bien que là, c'est bon, c'est bien sec, c'est frais. Ouais. Un petit coup de rafraîchissement pour les songes, alors. Voilà. C'est ça qu'on fait cuire avec du sucre ou du sel? Exactement, c'est il y a les songes grises et les songes qu'on dit Maurice. Les songes grises, tu fais au sucre et les songes dits Maurice, tu fais au sel. C'est plus petit aussi, tu vas remarquer. Bah, pourquoi? Parce que le goût, il change Si on fait le songe Maurice au sucre et si on fait l'inverse? Non, ça change pas. Bah, en fait, tout dépend comment tu fais, parce qu'il y a des gens, ils font le petit songe Maurice au sucre et ils mettent le songe gris au sel. C'est comme tu en vis, en fait. Et en gratin, si on veut faire un gratin de songe, vous avez déjà goûté, c'est excellent. Ah, oui, c'est bon, j'ai déjà goûté. Et oui, c'est bon. Combien ça coûte le kilo? C'est 3 euros le kilo. Et Anaïs, elle a ramené aussi des tomates qui sortent un peu de l'ordinaire. Oui, toujours avec mes tomates anciennes pour pas changer. Oui. Alors, il y a des cornes. Alors en fait, il y a plusieurs variétés. Il y a les cornes des Andes, c'est les tomates allongées là, qui ressemblent un peu à un gros piment. Après, il y a les tomates ananas, c'est de couleur jaune. Ensuite, il y a les tomates noires de Crimée, c'est de couleur marron. Et celles-là, au goût, elles sont un peu salées. La noire de Crimée. Voilà. Excellente pour les salades composées. Ah oui, trop bonne. Et celle qui est allongée comme un gros piment là, quel goût ça a? Bah, en fait, c'est plus sucré, il y a beaucoup de chair, mais elles sont bonnes aussi. Hein. Combien ça coûte le kilo? Alors, on vend à 3,50 euros le kilo. Quelle que soit la variété. Voilà, exactement. Ce sont des tomates anciennes, donc qui poussent du côté de la plaine des Cafes. Non, du tout. Ça pousse où, ça? Ça pousse dans les bas, ça. Ah bah oui, ouais, c'est trop frais là-haut pour faire pousser les tomates. Ah oui, la tomate Pierrefonds. Voilà. La tomate qui vous fait décoller, Pierrefonds. Voilà. Oui, bah oui, si vous voulez. Qui vous fait décoller les papilles. Bon, allez, vous avez pris celle-là. Ah, elle est bien pourrie celle-là. Ouais. J'ai essayé. Aïe, aïe, bon, ben, rendez-vous tout à l'heure, Mickaël Laurette, bah voilà, animateur humoriste. C'était le dernier mot. C'était le dernier mot. Merci, Prisca. Tout à l'heure. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Aïe, aïe, aïe, aïe. Ah oui, voilà. Il y a des fois, il faut mieux fermer sa bouche. Hein. Fait, bon, allez, c'est le mixeur. Grand matin, le mixeur. Il est 5h50, DJ Fou nous a rejoint. Salut DJ Fou. Oui, ça y est, il est avec nous et il a préparé son petit mix de titres qu'on va vous diffuser. Il va falloir choisir, enfin y trouver d'ailleurs la bonne réponse, qu'il s'agit chante ou bien c'est quoi le titre de la chanson. Voilà, titre pas ou artiste. Pas plus compliqué que ça. Et vous irez voir l'Indigo, Désiré François, Cassia, plus de 3 heures de show au petit stade de l'Est, c'est vendredi, c'est avec Réunion Première. Vendredi là, hein. Je fais de toi mon essentiel, tu me fais naître. Alors le titre est dedans, hein. Le titre est dedans, trop donc facile. C'est... Ah bah oui, encore plus trop facile. L'as de trèfle qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur. Allez, on va sur le standard, 0262-99-2000. Vous appelez, vous appelez, vous appelez, on a qui au bout du fil? Bonjour. Bonjour, bonjour. Allô, bonjour. C'est qui ça? C'est Monsieur Lapoté, Idriss. Monsieur Lapoter, il se présente par son nom, monsieur. Ben c'est bien. Ben oui, mais nous va prendre que le prénom, les bons. Ouais, c'est mieux. Okay. Ah, ben les bons alors. Idriss, quel endroit ça? De Zaviron. Zaviron. Voilà. 5 rue des Pommes. Pimprenelle. Ouais. En fait, Idriss, il nous donne toutes les informations sur lui. Mais bien sûr, bon, écoute. On n'est pas le FBI, Idriss, hein, t'inquiète. Hein. Travaille pas un peu, nous, hein. On folle pas. On n'a pas besoin de tout ça, nous. Bon, Idriss, alors, à votre avis, qu'est-ce que c'est les titres et les artistes? Qui ça ou l'a reconnu? Oui. Je fais de temps mon essentiel. Oui, oui, ça c'est le roi soleil et ma mémoire. Voilà, madame y souvenait hier, merci à elle. Et c'est MC Solar Caroline. MC Solar Caroline, et on dit merci, merci madame. Merci madame. Voilà. Merci ma chérie, comment y'appelle ma chérie? Dolores. Dolores. Eh ben, bisous à Dolores. Eh ben, on va amener à elle en concert un vendredi soir au petit stade de l'Est, voir Enfants Zilois. Elle est bon? Bah oui. Bah tous les deux. Tous les deux pour craser un bon Maloya. Voilà. Salut le couple. Bon Maloya. Bisous, salut, bisous, aux deux. Allez, à plus tard. À plus tard. Il est 5h52. Voici les avis de décès. Les avis de décès avec Runi Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Réunion première vous fait part du décès de Monsieur Folio Valentin. Monsieur Folio Valentin, le décès est survenu dimanche à l'âge de 95 ans. Le convoi mortuaire sortira du numéro 4 rue Bois Blanc à Vincendeau à Saint-Joseph aujourd'hui à 15h30. La bénédiction aura lieu en l'église de Vincendeau à 16h, suivie de l'inhumation au cimetière du même lieu. Décès de Monsieur Lambino Johnny Daniel. Monsieur Lambino Johnny Daniel, le décès est survenu hier à l'âge de 46 ans. Le convoi mortuaire sortira du centre funéraire sud aujourd'hui. La bénédiction aura lieu en l'église de Saint-Louis, suivie de l'inhumation au cimetière de Saint-Louis. Décès de Madame Mercher Jeanne Léonard née Boyer. Madame Mercher Jeanne Léonard née Boyer, le décès est survenu hier à l'âge de 89 ans. La veillée se tient en chambre funéraire à Bois-Rouge à Sainte-Marie. La bénédiction aura lieu aujourd'hui en l'église du funéraire de Bois-Rouge, suivie de l'inhumation au cimetière de Sainte-Marie-Ville. Décès de Madame Zoakina née Ishiza Imao Léon. Madame Zoakina née Ishiza Imao Léon, le décès est survenu hier à l'âge de 88 ans. Un recueillement se tient à son domicile 33 rue des Violettes à Saint-Gilles-Léo. La bénédiction aura lieu aujourd'hui à 15h en l'église de la Chapelle Pointue, suivie de l'inhumation au cimetière de Villèle. Décès de Monsieur Valincourt Cyril. Monsieur Valincourt Cyril, le décès survenu samedi à l'âge de 56 ans. Le convoi mortuaire sortira du centre funéraire sud aujourd'hui à 14h30. La bénédiction aura lieu en l'église Notre-Dame du Rosaire à la rivière à 15h, suivie de l'inhumation au cimetière du même lieu. Décès de Monsieur Isnard Raymond André. Monsieur Isnard Raymond André, le décès survenu hier à l'âge de 54 ans. Le convoi mortuaire sortira du centre funéraire de Prima. Un discours biblique prononcé par un pasteur de l'église adventiste du 7e jour à la montagne aura lieu au centre funéraire à 15h. L'inhumation se fera au cimetière de Prima. Décès de Madame Grèze, Marie-Émilienne, née Calimona. Madame Grèze, Marie-Émilienne, née Calimona, dite Tantine Bénédicte. Le décès survenu dimanche à l'âge de 98 ans. Le convoi mortuaire sortira du domicile 17D, route de la Rivière des Pluies, appartement 31, commune Prima à Saint-Denis, aujourd'hui à 14h30. La bénédiction aura lieu en l'église de la commune Prima à 15h, suivie de l'inhumation au cimetière de Saint-André. Décès de Madame Blucher, Agathe Mélanie. Madame Blucher, Agathe Mélanie, dite Madame Jean-Paul. Le décès est survenu dimanche à l'âge de 73 ans. La veillée a lieu au centre funéraire de Prima. La bénédiction aura lieu au centre funéraire à 10h aujourd'hui, suivie de l'incinération à Prima. Décès de Madame Veuve Célambaye Julien, née Mariaille Anita. Madame Veuve Célambaye Julien, née Mariaille Anita, dite ma tante Tiffy. Le décès est survenu hier à l'âge de 95 ans. Le convoi mortuaire sortira de son domicile 57 à Sidère les Lilas à Saint-André, aujourd'hui à 15h10. La bénédiction aura lieu en l'église de Saint-André à 15h30, suivie de l'inhumation au cimetière de Chamborne. Décès de Bouris Marie Thérèse née Minette. Madame Bouris Marie Thérèse née Minette, décès survenu dimanche à l'âge de 89 ans. Une veillée se tient à son domicile 86 chemin Samna Ramsami Domingo à Saint-Denis. La date et l'heure des obsèques seront communiquées ultérieurement. Réunion première présente aux familles endeuillées ses sincères condoléances. Les avis de décès avec Runi Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Quelques infos pratiques, Mickaël. On va commencer par ce dépistage du diabète qui aura lieu jeudi 6 octobre aux 2 rue Pitel, la résidence de la Sémadère à Sainte-Clotilde, de 8h à 11h30. Il est conseillé de venir à Jeun pour un meilleur dépistage. Alors, il y a eu les premières pluies d'été, je le disais hier, et forcément les premières perturbations. Nous sommes en 2016, mais c'est toujours la même chose. Le maire de la Plaine et Palmiste informe ses abonnés du secteur du 1er, 2e et 3e village, ainsi que le secteur de la Petite Plaine, qu'en raison de la dégradation de la qualité de l'eau, il est conseillé de faire bouillir l'eau pendant au moins 3 minutes avant toute consommation. Et cette disposition reste valable jusqu'au retour à la normale qui sera transmis par la même voie. Il compte bien sûr sur la compréhension de tous, donc beaucoup de prudence quand vous consommez l'eau près de la plaine des palmistes. Des travaux sur le réseau, la distribution en eau sera interrompue au tampon ce mardi sur le chemin Pierre Cadet, ruelle Balsamine, chemin Pellier, impasse Fidélis Epifana, des Nivéoles et toutes les voies adjacentes. La remise en eau se fera dès achèvement des travaux. Un plan de coupure est prévu aussi à partir du 5 octobre, donc demain, sur le secteur de Dodane à la Possession. Donc coupure de 21h à 7h du matin sur les secteurs suivants: Allée Galéron, rue Moise Nativelle, rue Germain-Elisabeth et les chemins avoisinants. Coupure de 21h à 10h du matin sur la partie haute de la rue Jacques Duclos, la rue Joseph Nourry, Père Lucien Courteau, Allée Posée et impasse de la Lune. Distribution à non interrompue de mercredi, donc demain, à partir de 8h à Saint-Joseph, sur Carrosse, rue de la Chapelle, rue Harry Truman, rue Dardanelle, Edmond Albius, Boris Saint-Vincent, Bézave, Manapani, Partie Haute, chemin solitaire, ainsi que le chemin Héliodore, Fontaine. La remise en eau se fera dès achèvement des travaux. Et puis le TCO fait toujours son enquête publique sur la révision de son schéma de cohérence territoriale, le Scott West. Rendez-vous sur www.tco.re et sur les lieux d'enquête jusqu'au 14 octobre à la mairie centrale de La Possession, celle du port de Saint-Paul de Trois-Bassins et de Saint-Leu. À Saint-Paul et à Saint-Leu, vous pouvez vous rendre aussi à la mairie annexe de Plateau-Cailloux et celle de Piton-Saint-Leu. Et puis au TCO directement, rue de la Douane, au port. À 6h, c'est l'information. Avec Florent Marot. Il sera là pour l'actualité du mardi 5 octobre. D'ici normalement, si tout va bien. Soprano. Le diable ne s'habille plus en Prada. Avant ma chute, j'étais vraiment riche et heureux. J'étais le plus grand conseiller des hommes, même en haut lieu. On faisait appel à mes services pour prendre malheureux. Monsieur, tout le monde signait avec moi en fermant les yeux. Sur terre, le péché est un business fructueux. Je faisais mon chiffre en vendant le désir et le feu. Oui, le malheur des uns fait le bonheur du plus véreux. J'offrais le pouvoir au portefeuille du plus généreux. Mais l'époque a changé. L'époque a changé. Les hommes n'ont plus besoin de moi. Oui, l'époque a changé. L'époque a changé. J'ai tout perdu depuis que les hommes font bien pire que moi. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait les poches, lui ont pris sa femme et ses gosses. Il n'a plus d'emprise sur le globe depuis qu'on lui a pris son job. Non, le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait les poches, lui ont pris sa femme et ses gosses. Il n'a plus d'emprise sur le globe depuis qu'on lui a pris son job. Monsieur, les hommes d'aujourd'hui ont dépassé tous mes vœux. Certains exercent leur folie meurtrière au nom de Dieu. Le pétrole est une raison légitime pour mettre le feu. Certains pays rétrécissent, mais bon, restons silencieux. Malgré sa richesse, l'Afrique a toujours un creux. La télé m'a volé l'éducation de leur morveux. Internet brûle les neurones beaucoup plus que la bœuf. L'enfer n'est plus chez moi, mais bel et bien chez vous, monsieur. Mais l'époque a changé. L'époque a changé. Les hommes n'ont plus besoin de moi. Oui, l'époque a changé. L'époque a changé. J'ai tout perdu depuis que les hommes font bien pire que moi. Le diable s'habille plus en Prada. Soprano avec le diable ne s'habille plus en Prada sur Première. Et puis alors, l'information de la journée, on vous la donne, hein. Isa, oui. La route du littoral pourrait être fermée dimanche. Oui, elle sera fermée dimanche, voilà. De 6h30 à 12h30. Voilà, et on en saura plus avec Ivoury, bien sûr, après 6h. Il est 6h sur la Première. Le journal, Florent Marot, bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. prise d'otage hier à l'aéroport Roland-Garros, un exercice, rassurez-vous, dans le cadre d'une attaque terroriste orchestrée par la préfecture. Plus de 200 policiers, gendarmes, militaires et pompiers étaient sur place. Les pompiers qui ont enfin réussi à maîtriser l'incendie de Saint-Bernard hier soir, la route du littoral est ouverte sur quatre voies ce matin. Des purges sont prévues dimanche, la route sera alors totalement fermée. Le projet de loi sur l'égalité réelle outre-mer arrive aujourd'hui devant les députés. Quels sont les principales mesures? Nous avons lu le texte, précision dans ce journal. Et puis c'est un moment très attendu par nos Gramoun. La semaine bleue a démarré hier dans l'île. Pierre Komorasamy est allé à Saint-Joseph. La ville accueille 14 clubs du 3e âge. Reportage à la fin de cette édition. Plus de 200 policiers, gendarmes, militaires, pompiers également, et autant de figurants. Il y avait du monde hier soir à l'aéroport Roland-Garros, tous mobilisés pour une attaque terroriste. Un exercice grandeur nature sous les yeux du préfet. Les forces de l'ordre ont dû répondre à des coups de feu. Le scénario prévoyait également une prise d'otage et des blessés à soigner. Le quartier était bouclé, mais notre journaliste Laurent Figon a tout de même pu assister à l'exercice. L'aéroport Roland-Garros aurait pu servir de décor pour un film catastrophe hier soir. Plus de 200 policiers, gendarmes, militaires, pompiers et urgentistes, et autant de figurants, ont participé à un exercice grandeur nature. Le scénario, un groupe de 6 hommes armés pénètrent dans l'enceinte aéroportuaire, tirent sur les passagers et prennent des otages en se retranchant. Sous les yeux de nombreux observateurs, dont le préfet, les forces spéciales GIPN et GIGN partent à la recherche des terroristes. L'endroit est vaste, les recoins nombreux. Après plusieurs dizaines de minutes, les preneurs d'otages sont neutralisés. C'est en sécurité que les services de secours prennent le relais. Les blessés les plus graves sont évacués vers un poste de regroupement des victimes pour être ensuite envoyés vers les différents établissements hospitaliers. Les rescapés sont regroupés après avoir été fouillés par les gendarmes mobiles. Après 3 heures d'intervention, la mise en scène est arrêtée. Il est alors 2 heures du matin, l'heure pour les acteurs de tirer leur révérence. Et on reparlera de cet exercice à 7h15 avec l'invité de la matinale, Philippe Dornier, reçoit aujourd'hui Jean-Paul Noël, le président du directoire de l'aéroport Roland-Garros. Au menu également, la modernisation de la structure, la nouvelle zone duty-free et les perspectives pour l'emploi. On l'a dit, les pompiers étaient présents hier soir pour l'exercice à l'aéroport, les soldats du feu qui ont réussi hier soir à maîtriser l'incendie de Saint-Bernard. 70 hectares sont partis en fumée. Le feu avait même entraîné le basculement partiel de la route du littoral. Soulagement ce matin, l'axe est sur 4 voies, mais attention, des purges sont prévues ce dimanche. La route du littoral sera totalement fermée de 6h30 à 12h30. En attendant, Saint-Bernard est toujours sous surveillance ce matin. Après la route du littoral, la nouvelle route du littoral, un sujet qui intéresse Europe Écologie Les Verts qui va se lancer dans la bataille de la présidentielle et des législatives. Première étape, la primaire pour départager les 4 candidats d'ici un mois. Mais concrètement, à quoi pourraient servir des députés écologistes réunionnais? Eh bien, à remettre sur le tapis la question des méga carrières. C'est ce que dit en tout cas Jean-Pierre Marchaud, le secrétaire régional d'Europe Écologie Les Verts. Si demain il y a un président écolo, ou en tout cas s'il y a des députés écolos aux législatives, ils porteront le projet d'exiger en tout cas qu'il y ait un audit environnemental et financier sur l'environnement littoral et de voir dans quelle mesure on peut réorienter ce projet pour au moins stopper ces projets de méga carrières. Bon, en juin 2017, elles ne seront pas ouvertes, ces méga carrières. On a 2 ans de retard déjà sur le problème des carrières, 2 ans. Fresnel disait, fin septembre 2014, le problème des carrières est réglé. Il n'est pas réglé, loin d'être réglé. Donc notre objectif, si effectivement nous sommes en responsabilité, que ce soit au gouvernement, que ce soit à l'Assemblée, c'est de dire, il y a un gros problème à La Réunion, un problème de carrière. On n'a pas pu régler le problème de la route puisqu'on a lancé un chantier pour le viaduc, mais il faut au moins éviter de défigurer ce joyau de la biodiversité que constitue La Réunion. Jean-Pierre Marchaud, invité hier soir de Devant la Réunion, le secrétaire régional d'Europe Écologie Les Verts, était interrogé par Gaël Le Dantec. Dans le reste de l'actualité, aux assises, début aujourd'hui du procès de Stéphane Bocage. Il est accusé d'avoir frappé et tué l'enfant de sa concubine. Le 6 février 2014 à Saint-Joseph, le petit Kélan, 2 ans, est retrouvé en arrêt cardio-respiratoire dans un appartement de Langevin. Les secours n'arriveront pas à réanimer la petite victime. Stéphane Bocage est poursuivi pour violence habituelle ayant entraîné la mort. Il en encourt 30 ans de réclusion criminelle. La mère, de son côté, est accusée de non-assistance à personne en danger. Verdict demain. 6h06 sur la première, la suite du journal Florent Marot. Le projet de loi sur l'égalité réelle outre-mer arrive aujourd'hui devant les députés. Il comprend 112 articles contre 15 dans sa première version, qui était loin de faire l'unanimité chez les élus ultramarins. Tous réclamaient des signes forts. Alors justement, quelles sont les principales mesures de ce texte? Élément de réponse avec Alain Rosali. D'abord, il s'agira de gommer les discriminations en matière de prestations sociales. Elles concernent l'alignement du complément familial et de l'allocation vieillesse, ainsi que l'application dans les mêmes conditions qu'en France métropolitaine des prestations familiales pour les artisans indépendants. Une batterie de mesures est prévue pour aider les ultramarins, comme la participation au financement du déplacement pour les obsèques d'un parent et d'une aide aux frais de rapatriement de corps. Un amendement envisage de rendre la scolarité obligatoire de 3 à 18 ans dans les DOM dès la rentrée 2018. Le texte prévoit également diverses dispositions afin de relancer l'activité, avec notamment la création d'une zone franche globale pour l'ensemble des territoires à partir de 2019. 150 000 logements devraient être construits dans les 10 prochaines années. Seront pris en compte une harmonisation par l'INSEE du calcul du taux de pauvreté outre-mer et hexagonale, et aussi l'élaboration d'un plan de convergence dans chaque région visant à déterminer un objectif de rattrapage avec la France métropolitaine sur 10 ou 20 ans. Et on l'a entendu, une des mesures phare, c'est bien sûr l'alignement du complément familial et de l'allocation vieillesse. Une information qui intéresse nos Gramoun, même s'ils n'en doutaient pas, ils ont la tête ailleurs. En ce moment, la semaine bleue a débuté hier dans l'île à Saint-Joseph. Les 14 clubs de la 3e jeunesse ont été invités au programme. Animation dansante, rencontre interclub autour d'un pot de l'amitié. Un défilé dans la rue principale a également été organisé. Pierre Comorasamy était sur place. C'est au son de la musique longtemps qu'a lieu le défilé inaugural de la Semaine Bleue. Derrière l'orchestre, précédé par une calèche, chaque club, banderole à la main, progresse en chantant, en dansant et en faisant parfois le plus de bruit possible. Une fois arrivé à la halle des manifestations, le DJ balance la musique et dans la foulée, les couples se forment et c'est parti pour le bal musette. Jocelyne est arrivée à La Réunion depuis peu. Elle est très contente d'avoir rejoint le club des Aubépines. Moi, je viens de la métropole et je voulais, en tant que résident, m'occuper. Et j'ai trouvé ce club très agréable et je suis très, très contente. Ça me permet d'apprendre la langue créole qui est très jolie. Tout au long de la semaine, des animations sont proposées aux mamies et papis. Ce mardi, par exemple, sera consacré à une exposition fait main où chacun, comme Suzette, pourra montrer son savoir-faire. On aura une exposition aussi, c'est des rosaces, des couvre-lits, des coussins, des sets de table. Et puis, tu fais partie d'une troupe folklorique. Et puis, une autre nouveauté, la Semaine Bleue cette année sera délocalisée. Les seniors iront ainsi animer les écarts pour ceux qui ne peuvent se déplacer. Et la Semaine Bleue à Saint-Joseph et dans toute l'île, c'est jusqu'à dimanche. Un mot de sport pour terminer en football. La Saint-Pierroise a bien entamé sa Coupe des clubs champions de l'océan Indien. Hier, les Cigognes ont battu les Mauriciens du cercle de Joachim, 4-1. Saint-Pierre qui rejoue demain. Ce sera cette fois face aux Seychellois de La Passe. Début de la rencontre à 15h. C'est la fin de ce journal local. Place maintenant à l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de France Info. Ce matin, Fanny Bouvard. L'otage franco-tunisienne Noura Nouas, enfin libre, l'humanitaire était retenue en otage au Yémen depuis le 1er décembre dernier, enlevée par des hommes armés alors qu'elle se rendait à son travail. Elle a été transférée dans un hôpital de Mascate, la capitale du sultanat d'Oman. Le sultanat qui a joué un rôle clé dans cette libération, comme le laisse entendre François Hollande. Dans un communiqué, le président de la République a par ailleurs salué le courage de Noura Nouas et dit partager la joie de sa famille. Le gouvernement doit dévoiler son plan de sauvegarde de l'usine d'Alstom de Belfort dans la matinée, mais on en sait déjà un petit peu plus. Il s'apprête à passer une commande hors norme, 500 millions d'euros et 16 TGV. Cela ne passera pas par la SNCF, puisque ces trains seront directement mis en service sur les lignes intercités gérées par l'État et rouleront donc à vitesse limitée. Cela offrira 2 ans de travail au site de Belfort et évitera son transfert. Ce plan de sauvegarde complet sera dévoilé dans la matinée par le secrétaire d'État à l'industrie, Christophe Sirugue, à Belfort. Nicolas Sarkozy s'emporte contre les électeurs de gauche qui voudraient voter à la primaire à droite. L'ancien président était en meeting hier soir dans le Bas-Rhin. Je ne suis pas le candidat à la primaire de droite, du centre et de la gauche, a lancé Nicolas Sarkozy sous les applaudissements de ses supporters, avant d'accuser les électeurs de gauche de parjure. Les États-Unis, à bout de patience, suspendent les discussions avec la Russie dans le dossier syrien, alors que les combats se poursuivent à Alep, 11 jours après le début de l'offensive du régime syrien soutenu par la Russie. Le plus grand hôpital des quartiers rebelles de la ville a été détruit par des frappes. C'est la goutte d'eau pour Washington. Alors les deux pays continueront d'échanger des informations pour éviter des incidents militaires dans le ciel syrien, mais plus question de négocier pour parvenir à une trêve durable sur le terrain. Moscou a assuré peu après cette annonce regretter la décision de Washington. L'ouragan Matthew continue d'avancer dangereusement vers les Caraïbes. Il devrait atteindre dans les prochaines heures Haïti, puis Cuba et la Jamaïque. Ses vents pouvant atteindre 230 km/h par heure font craindre de très importants dégâts. Les autorités haïtiennes annoncent déjà 2 victimes en mer. Dès vendredi, un homme est mort après le naufrage de sa pirogue au sud d'Haïti. Un autre homme est porté disparu depuis hier après le naufrage d'une pirogue. Un nouveau venu chez les Bleus, Didier Deschamps a appelé pour la première fois en équipe de France l'international espoir Presnel Kimpembe pour les matchs contre la Bulgarie et les Pays-Bas. À 21 ans, le jeune défenseur du Paris Saint-Germain intègre le groupe bleu en remplacement d'Eliakim Mangala, blessé à la jambe droite. Et on espère que vous êtes bien réveillés, 6h12 sur la première. La météo avec Sirius Réunion, chauffe-eau solaire nouvelle génération. Et le soleil revient. Laissons. Entrez le soleil. Laissons. Bah oui, après les pluies d'hier. Les pluies d'hier, les premières pluies d'été, parce que c'est bien tombé par moments. Oui, Michael, l'été, c'est aussi la pluie. Sur l'île, eh bien, le soleil, lui, va progressivement reprendre du terrain, même si entre la possession, en passant par Sainte-Rose et Saint-Philippe, on pourrait avoir quelques nuages par moment et quelques averses. Le soleil va essayer de s'imposer tout de même avec des nuages de pente qui seront bien installés sur les mi-hauteurs à l'après-midi, surtout sur les hauts de Saint-Leu, la région du Dimitil et du Tampon. Sur le littoral, on devrait garder quelques éclaircies, quelques gouttes possibles sur les hauteurs. Les températures vont monter avec des valeurs qui afficheront jusqu'à 29 degrés sur le pourtour du littoral, notamment celui de l'ouest, et de 16 à 21 degrés dans les hauts, 21 par exemple dans le cirque de Sillaos, un peu de vent sur le nord-est et du côté de Saint-Philippe et sur les reliefs exposés comme la plaine des Cafes, mais on le ressentira un peu plus sur le littoral avec 50 km/h attendu et les températures devraient monter encore un peu plus demain et on devrait approcher, voire dépasser les 30 degrés. La météo avec Sirius Réunion. Chauffe-eau solaire, nouvelle génération. Est-ce que ça va mieux par rapport à hier sur le réseau routier? On voit ça tout de suite avec Yves Gruyer. L'Inforoute vous est présentée par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre, www.ismaëlabodou.com. Bonjour Yves. Salut Yves. Bonjour Isabelle, bonjour Mickaël. Oui, ça va mieux après le week-end difficile et la journée noire, ce lundi noir hier sur la région nord. Retour à la normale sur la Corniche. Attention toutefois, puisque la route est encore mouillée sur la partie nord de la route du littoral, après la grande chaloupe si vous vous dirigez vers Saint-Denis. Et donc sur toute la partie, la route est encore bien trempée, surtout le versant est. Restez prudent avec une chaussée qui est encore glissante, qui n'est pas le cas pour la partie ouest, puisque là c'est beau temps et on regarde même jusqu'à Saint-Philippe, en tout cas depuis ici, étant salé, c'est également bien dégagé. On aperçoit encore les nuages sur les hauteurs, donc vers la plaine des Cafres, au-delà notamment avant de redescendre vers le Côte de Bellevue. Attention là-bas, c'est pas encore le beau temps. Alors, en ce qui concerne le trafic, eh bien, des bouchons à hauteur de l'échangeur de Plateau-Caillou pour la partie ouest et fin de la route des Tamarins avant de redescendre sur Saint-Paul. La circulation qui était déjà bien ralentie à 6h moins le quart tout à l'heure à hauteur de l'échangeur de Belmen. En ce qui concerne l'entrée ouest, ça roule normalement. Vous roulez également avec peu de problèmes en abordant Saint-Denis en provenance de l'est. Mais attention, les difficultés, elles se font depuis Saint-André. Aujourd'hui, c'est mardi. Vous savez, toujours une journée un peu particulière avec le marché de Sainte-Suzanne. Et puis, à noter, un feu tricolore qui ne fonctionnait pas hier après midi et qui est au clignotant ce matin. C'est sur le boulevard sud, boulevard Jean Jaurès. Attention, c'est au carrefour du Lavoir, c'est-à-dire avec le carrefour avec la rue Mazagran. Pour tous ceux qui sortent du boulevard de la Providence, ça ne va pas être facile du tout ce matin si on ne remet pas en fonction ce feu très rapidement. Donc voilà, attention, il y a danger à ce carrefour. À tout à l'heure. L'inforoute vous est présentée par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre, www.ismaelaboudou.com. Grand matin avec Isabelle Waraud et Mickaël Laurette. Eh ben, DJ Fou, t'es encore là? Tu veux encore mixer? Bah oui, il voit deux morceaux, mais il mixe tout. Mais t'es pas bon au mix, DJ Fou. Voilà, c'est tout. Bah si. Il reviendra pas demain, on pourra pas faire gagner des cadeaux. Il va revenir, t'inquiète, il comprend pas, de toute façon. Voilà, tout va bien. Tout va bien. Bon, ne vous inquiétez pas, hein, DJ Fou, on le maltraite pas non plus, hein. Bon, mais non, on n'est pas comme ça. 70-2000 sur le canal SMS 06-92. On salue tous ceux qui sont là. Nadine, il y a Roxy, il y a Élise de Saint-Benoît. Ouais. Bisous à tous. Élisée de Saint-Bonne. Et surtout à toutes, hein, pour les femmes qui nous ont écrit. Ben oui. Tous pour Isa, forcément. Avant 6h20, on vous fait gagner vos 20 euros. Exactement. Ouais. Là, ça va se passer au 02 62 99 2000. Et vous savez quoi? Vous pouvez commencer à appeler dès maintenant. Bah oui, allez, sélectionnez-vous, va. Dépêche. Allez, appelle. Bah oui. 02 62 99 2000, appelle et gagne 20 euros. Ah oui, ce matin. C'est surtout ça. C'est pas rien. À dépenser dans tes magasins espace fraîcheur. Non, ne me dis pas non. Mais non, il faut appeler, On dit oui. Mais Corentin Grévaux qui dit non. Oh, y'a lui. On voit dans les cordes, on pleure. On a le cœur qui déborde, on marche sur un fil. Suspendu dans la ville. Quand on rate un rêve en chemin, faut bien remonter dans le train. Même s'il n'y a pas de rail pour le monde idéal. Laisse-toi aller. Cœur du télécrochet Rising Star qui sort son premier album. Ne me dis pas non, Corentin Grévaux. En même temps, c'est difficile de te dire non, Corentin Grévaux. Ouais, un peu jeune, Isa. Hein. Ça va. Hein. C'est vrai ? Ouais, un peu. C'est à quoi 30 ans, ça ? Non. À quoi 30 ans ? Pas vraiment. C'est pas grave. Bye bye, Corentin Grévaux. On s'écrit, on se tweet. Hein. Après, tu fais comme tu veux. Oh là là. Bon, allez, à tout de suite. 20 euros à gagner avec Espace Fraîcheur. 0262 99 2000. Et ça, c'est possible. Retrouvez les avis de décès tous les jours sur Réunion Première à 5h50, 11h50, 13h50 et 17h50. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèques et Complémentaire Santé. Réunion Première, le son de l'océan Indien. Réunion Première vous invite pour Enfants Zilois, un grand concert le vendredi 7 octobre au Petit Stade de l'Est. 3 heures de show en live à partir de 20h avec l'Indigo, Désiré François et Cassia. Ça va, Réunion ? Gagnez vos places en jouant tout au long de la journée sur Réunion Première. Zatiem devinette ? Devinez ! Cosa, les gratuites ! Les zones 5 à couvert VA et Asperazone dans votre pharmacie, il ne peut pas s'en passer, c'est tant tellement les gaillards pour la sécurité de toutes. Alors, comme ça il est? Ben oui, c'est le petit bac ou ancien pour traiter tout ça qui pique. Aiguilles, seringues, sang de lancette, sac pour contrôle diabète là. Si vous faites autre soin ou tout seul, et si vous voulez connaître un peu plus comment prothèse à ou sans autre famille, viens voir sur dastri.fr. D-A-S-T-R-I, Dastri, ou ancien, outri et ni ramasse. Première. Et au passage, votre autre chouchou, Ken Girac, oui. Il a 20 ans aussi, hein. Ah, ça, pourquoi ça, tu m'avais pas dit ça avant? Ça te met un coup, tu ça. Tu me laisses couder à lui, tu me dis pas, il a 20 ans. Ben si. Mais... T'as pas honte? Ben je l'ai pas dit. Hé, hey, quel âge dit. Tu as, toi? Moi, ça va, tu me cours pas après. Tout va bien. Tout va bien. Quoique, j'ai peur maintenant, du coup. J'ai peur. 20 ans. Bah oui, 20 ans. Bah oui, c'est parce qu'il a des poils, qu'il a, sur la... et qu'il a de la barbe, qu'il a pas 20 ans. Hein. Oh bon, là. Allez, c'est le moment d'appeler. 20 euros. Je laisse tomber 20 ans. Vaut mieux 20 euros, hein. Ça sera mieux. Hein. Espace Fraîcheur. 02 62 80 19 2000. Allez, allons par là-bas. Allez, allons dans l'Est. On va dans l'Est. Bon. Dans l'Est, Yann Tessa. Alors, continuez à appeler l'Est parce qu'on va aller dans l'Est. Allez, ouais. 99 2000 pour appeler. Voilà, voilà. Bah là, ceux qui sont dans l'Est, vous appelez parce qu'on a choisi l'Est sur la carte. Allez, on y va. Hop, on va même à Saint-André. Ah. Saint-André. Bonjour Jessica. Salut Jessica. Bonjour. Ça va? Oui, ça va bien. Bon, petite voix ce matin, oui, ça veut dire qu'on vient de se réveiller. Oui, elle n'a pas bien dormi. Voilà. On va faire quoi de sa journée, Jessica, aujourd'hui? Ben, je vais garder mon petit bébé de bientôt 5 ans. Oh, c'est mignon. Oh là là. Il s'appelle comment, le petit bébé? Eden. Eden, en plus, c'est magnifique comme prénom. Et tu dors, fin de sortir? Non. Pas encore? C'est un peu tôt, non? Pas encore. La bouche gratte, non, 5 mois, oui. Ah ouais, ça va. La bouche gratte, tu vois, la bouche gratte, ça veut dire que tu dors à sortir. Ça va pas tarder. Voilà. Bon, et là, ça va être. La fièvre, la diarrhée, tout et ça, et ça va être moins mignon. Ça va être moins mignon, d'accord. Jessica, c'est gagné pour vous ce matin. Félicitations. Merci beaucoup. Le bon d'achat pour donc 20 euros dans les magasins Espace Fraîcheur. Ben, c'est pour où, ma fille? Comme ça, c'est parfait. C'est bon? Ben, merci beaucoup. Et c'était la première fois que vous nous appeliez, alors bienvenue. Mais c'est pas la dernière fois, attention. Hein. Ouais, oui, ce ne sera pas la dernière fois. C'est je peux super. Faire un gros bisou bien à sûr. Mes deux autres enfants, bien sûr. Et Mehdi. Oui. Et à mon mari, Davy. Et ben c'est fait. Et ben voilà, bonne journée. Bisous, bisous. Merci, bonne journée à vous aussi. Faites-le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Sur le marché de Sainte-Suzanne, il y a de tout. Tu songes, tomates, mais pas rien que ça même. Oh, oh. Ah, il y a du monde aussi. Ils vendent là, ils vendent là. Bah, c'est fini. Allez. Joli tomate, joli carré, 97, c'est bien qu'il est. Et bah voilà, on est dans l'ambiance là. Et comment ça se fait qu'on vend une tomate 90 centimes, les autres ils vendent 1 euro? Madame, ben, faut pas... moi je ne rote pas pour les rues, je me rote pour travailler, c'est plaisir les clients, c'est un peu la clientèle, j'ai la clientèle surtout. Ben voilà. Et on vend pas que des tomates. Gros piments, ananas, baguettes fraises. Oui. Que ça pour l'instant. Bon, ça fait quand même pas mal de choses, hein, les amis. Hein. C'est il y a clair. Freddy, juste en face, qui vend un combava à 90 centimes. Un combava. Juste en face de l'autre côté, à droite, vous avez Jismi qui vend une salade à 80 centimes. Waouh. C'est moins cher aujourd'hui. Ah, ça, hein. C'est bien, c'est marché économique, là. Ah, c'est ouais. Bien. Bon. Bah oui. Merci. Donc, il y a des fraises sur les marchés. Il y a aussi l'ananas Victoria qui est à 1 euro. Bon, piment, 4 euros le kilo. Voilà. Allez, c'est parti. Il fait son affaire, il est pas là. Allez, il s'échauffe la voix. Combien le melon? Le melon, il y a 3 euros, il y a 2,50. 3 euros, 2,50. Et juste derrière, nous avons Monsieur Pastèque. On va l'appeler Monsieur Pastèque parce qu'il a ramené des pastèques. Mmh. Incroyable, mais vrai. Je sais pas d'où ça vient. Elles sont énormes, ces pastèques. Il vend ça à 1,50€ ou 2,50€ la tranche, le kilo. Comment ils vendent ça? 2 euros le kilo. 2 euros le kilo de pastèque. Ouais. Et 2 euros le morceau. Et lui, il peut... 2 euros le morceau. Allez, on peut pas nous faire le petit... la petite vente, comment, le petit argumentaire de vente. Comment vous faites quand vous vendez à la criée? Parce que là-bas, juste en face... Criée, un coup. C'est joli pour tomate. Voir. Allez-y. Oui, excusez-moi. Criée, un coup. Ça commence mal. Comment on fait pour vendre pastèque ou... Ben non, on me donne beaucoup goûter, c'est tout. Voilà. Ah bon? Ah, il goûte. Non, mais qu'est-ce crie que vous pas, dites? C'est quoi votre argument de vente? Ah ben, je suis déçu. Est-ce là. Que vous faites la vente à la criée? Pastèque bien sucrée, c'est tout. Ah bah oui, mais ça doit plus vendre à côté, moi, à mon avis. Tomate a son style, mais pastèque. Attendez, on a une spécialiste de la vente à la criée ici sur le marché. Allez, c'est Cathy, je vais vous présenter Cathy. Coucou Cathy. Madame Cathy, Monsieur Ticlaude. Alors Monsieur Ticlaude, bonjour. Où vend piment? Il vend piment en verre. Comment on fait pour vendre piment à la criée? Montrez-nous comment on fait là. Piment en verre, 1€, 2€, 3€, madame, la pète. Voilà, bien pitié, hein. Tu m'arrives 3€ et gros pète piment, au moment tu vas 4€. Pas mal, pas mal. Ma femme est un zombie pour vous, madame Mario, là qu'on a 10 kilos de zombie. C'est bon, madame Mario, comment on fait pour vendre du tomate et de l'oignon? Tomate, c'est tomate pays, hein. Montrez-nous comment on fait. Allez, avec tomate pays. Première, là. Allez, tomate et fondue de mamie. À part tomate poussée, hein. Non, mais faites une vente à la criée, on fait un concours. Allez, comment on fait? On fait un concours, on va voir qui est meilleur. Aujourd'hui, nous vendons tomate pays. Tomate 1€ aujourd'hui, la criée. 1€, tomate pléchant. Ah, bah voilà, ça met de l'ambiance. Tomate à 1,50€. Bon. T'as vu ça, l'ambiance, hein, sur les marchés. Merci, Cathy. On Alors, vous attend. Oui, on a choisi notre champion, c'était le premier. Hein. Ouais, c'était le premier. Ah, ouais, le premier, c'était notre champion. Voilà. C'est celui qui vendait les tomates. C'est la même. C'est la même. Fais-lui un gros bisou pour nous. On va lui faire un gros bisou et puis on vous retrouve tout à l'heure dans la colle Jacques. Les bons mêmes. Et nous va parler d'un carré Camaron. Pas mauvais ça. À toutes. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Michaël. Isabelle. Dans un instant, c'est l'inforoute avec Yves Grouillet. Ouais. Mais d'ici là, c'est Clean Bandit. D'accord. Avec Reverbie dans toute l'Aragnan à 6h27. Bienvenue à tous. Bonne journée, vous êtes dans Grand Matin. We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be. Kyoto to the bay, strolling so casually. We're different and the same. Gave you another name. Switch up the batteries. If you gave me a chance, I would take it. It's a shot in the dark, but I'll make it. Knowing the little hope, you can't shame me. When I am with you, there's no place I'd rather be. Eh ben voilà de quoi bien vous réveiller. Vous fait. Êtes sur Première avec Clean Bandit. Bon. L'inforoute vous est offerte par QTech, machine à boire Réunion. Et vous voyez, est-ce que ça coince aussi dans le sud? Vous êtes à l'échangeur banque? Non, ça roule encore là pour le moment. Il n'y a pas encore trop de soucis. Alors ceci dit, je ne suis pas encore sur la partie est de Saint-Pierre, parce que là, il peut y avoir déjà des ralentissements, hein, comme souvent, entre Saint-Joseph, Petite-Île, Grand-Bois. Après, pour le moment, donc pour accéder au boulevard banque, ça se passe bien. Il vient d'avoir une intervention pour enlever un cadavre de chien Et ça, c'était juste à l'échangeur de Rive Blanche dans le sens Saint-Louis-Saint-Pierre. Mais l'intervention a duré quelques instants et c'est terminé. C'était en voie de gauche. Par contre, donc, il y en a qui se mettent en danger. Et donc, il y avait quelqu'un qui était en train de promener son chien juste au bord de la 4 voies en descendant justement ce tronçon entre le boulevard Banque et la ravine donc des Nathaniens en bas. Donc voilà, ça c'est quand même plutôt dangereux. Ne vous mettez pas en danger, on ne marche pas sur le long d'une quatre voies comme ça. Voilà, grand beau temps ici, circulation sans trop de changements par rapport à tout à l'heure, en tout cas pour la partie ouest, c'est toujours à hauteur des changeurs de plateau Caillou. C'est bien dense, attention également en fin de chaussée royale. Par contre, l'entrée ouest, il y a un peu de ralentissement qui se situe juste à la sortie du tunnel du Cap Bernard. Je rappelle qu'on est bien sur quatre voies. N'oubliez pas la fermeture dimanche et ce matin 6h30, 12h30 de la route du littoral pour la suite des travaux de purge. Et puis côté est, vitesse moyenne 40 km/h entre Saint-André depuis la Cocoteraie jusqu'à la ravine des Chèvres actuellement. L'inforoute vous a été offerte par QTEC, machine à boire Réunion. 6h30 sur la première. Le journal de la rédaction est présenté par Cécile Thomas. Bonjour Cécile. Bonjour à tous. Une attaque terroriste dans l'aéroport cette nuit. Exercice grandeur nature pour les forces de l'ordre. Des figurants qui jouent, des passagers blessés par balles, des secouristes en situation presque réelle. Notre journaliste Laurent Figon était sur place. Récit de cette nuit agitée dans un instant. Aux assises, nouveau procès. La mort d'un enfant de moins de 2 ans et des questions. Dans le box, son petit père qui ne le supportait pas et sa mère qui ne l'a pas protégé. À l'Assemblée nationale, le grand oral pour le projet de loi sur l'égalité réelle. Les députés devront discuter du texte. Nous reviendrons sur la consultation menée sur Internet. Certaines propositions faites deviendront des amendements. Et puis un auteur face à ses lecteurs, Mohamed Mbou Garsar, était au lycée Le Vavasseur à Saint-Denis hier. Des hommes armés qui tirent sur les voyageurs à l'embarquement, une prise d'otages de passagers qui récupèrent leurs bagages. Exercice grandeur nature cette nuit à l'aéroport Roland-Garros. Les forces de l'ordre et les secouristes ont dû intervenir comme si une attaque terroriste avait lieu. La presse a été tenue à l'écart durant l'intervention, mais le déroulé des opérations a finalement été dévoilé. Laurent Figon était sur place. L'aéroport Roland-Garros aurait pu servir de décor pour un film catastrophe hier soir. Plus de 200 policiers, gendarmes, militaires, pompiers et urgentistes, et autant de figurants, ont participé à un exercice grandeur nature. Le scénario, un groupe de 6 hommes armés pénètre dans l'enceinte aéroportuaire, tire sur les passagers et prennent des otages en se retranchant. Sous les yeux de nombreux observateurs, dont le préfet, les forces spéciales GIPN et GIGN partent à la recherche des terroristes. L'endroit est vaste, les recoins nombreux. Après plusieurs dizaines de minutes, les preneurs d'otages sont neutralisés. C'est en sécurité que les services de secours prennent le relais. Les blessés les plus graves sont évacués vers un poste de regroupement des victimes pour être ensuite envoyés vers les différents établissements hospitaliers. Les rescapés sont regroupés après avoir été fouillés par les gendarmes mobiles. Après 3 heures d'intervention, la mise en scène est arrêtée. Il est alors 2 heures du matin, l'heure pour les acteurs de tirer leur révérence. Et retrouvez le reportage d'Éric Lenné et de Laurent Figon dans le journal télé de Réunion Première dès 12h30. L'aéroport, les travaux en cours et la sécurité. On en reparle ce matin avec l'invité de la matinale, Jean-Paul Noël, président du directoire qui gère l'aéroport Roland-Garros, répondra aux questions de Philippe Dornier dès 7h15. On roule sur 4 voies sur la route du littoral ce matin. Un peu d'air pour les automobilistes. Hier, la route avait dû être coupée le temps d'effectuer des purges de la falaise. Plusieurs blocs se sont détachés. La falaise a été fragilisée par le feu qui a ravagé une partie de la végétation. Un feu maîtrisé par les pompiers, mais toujours sous surveillance. Des feux, il y en a eu d'autres hier. Journée difficile pour les pompiers dans l'ouest, à Saint-Paul, du côté de Plateau-Caillou, et à Saint-Louis, où plusieurs hectares de cannes ont brûlé. Tous ces incendies ont été maîtrisés. Et notez que la route du littoral sera de nouveau fermée dimanche matin pour de nouvelles purges. Aux assises, une nouvelle affaire examinée aujourd'hui, celle qui déterminera les circonstances de la mort d'un jeune enfant, le petit Kaylan. Les faits remontent au 6 février 2014 à Saint-Joseph. Les pompiers et le SMUR interviennent pour secourir l'enfant. En arrêt cardio-respiratoire, Kaylan décédera peu de temps après. Dans le box aujourd'hui, Stéphane Bocage, son petit père, poursuivi pour violence habituelle ayant entraîné la mort. Et la mère de l'enfant poursuivie, elle, pour non-assistance à personne en danger et non-dénonciation de mauvais traitements. Nadine Bachelot. Il s'appelait Kaylan. Il n'a pas eu le temps de souffler ses deux bougies. Et surtout, il n'a pas eu le temps de vivre, tout simplement. Quand les gendarmes arrivent sur place, ils constatent que le petit Kaylan présente au niveau du visage et du thorax des bleus et des lésions suspectes. Entendu, Stéphane Bocage, le concubin de la mère du Marmaille, reconnaît les maltraitances. L'enfant était son souffre-douleur. Il ne supportait pas sa présence qui le gênait dans ses relations avec la mère. L'autopsie révélera des lésions cérébrales post-traumatiques à l'origine du décès. Le procureur de Saint-Pierre évoquera même une entreprise de démolition sur le petit corps frêle. La question qui se pose, comment se fait-il que la mère et la famille n'ont jamais soupçonné le calvaire vécu par le bébé de 23 mois ? Coralie Francombe sera d'ailleurs elle aussi dans le box des accusés. Elle est poursuivie pour non-dénonciation de mauvais traitements. Mais aujourd'hui, le type R violent revient complètement sur ses déclarations. Il rejette toute la responsabilité sur sa concubine. Nadine Bachelot qui suivra ce procès. Pour nous, Stéphane Bocage en court 30 ans de réclusion criminelle. Dans l'actualité également, le projet de loi sur l'égalité réelle discuté à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Un texte qui a été soumis aux internautes durant plusieurs semaines. 10 643 personnes ont participé à la consultation en ligne sur le projet égalité réelle. Lors de la restitution des résultats de cette consultation, hier matin au ministère des Outre-mer, Erika Barrège s'est félicitée des 1829 contributions enregistrées. Pour la ministre des Outre-mer, au-delà du nombre, c'est la répartition géographique des contributeurs qu'il faut retenir. Et déjà, certaines propositions sur la vie chère, la mobilité ou la coopération régionale seront transformées en amendements examinés donc aujourd'hui en séance publique à l'Assemblée nationale. Décryptage des résultats avec Marie-Carline Chardonnay. Plus de 10 000 visites ont été comptabilisées sur le site de la consultation numérique sur l'égalité réelle et environ 2 000 contributions. Pour la ministre des Outre-mer, Erika Barrech, c'est une réussite. La consultation numérique fait la démonstration que l'intelligence citoyenne, elle existe et qu'il faut l'écouter et qu'il faut surtout la consulter. Faire les choses ensemble, avec les citoyens, avec les parlementaires. Sur les 13 propositions les plus soutenues par les internautes, il y a 3 thèmes qui se dégagent. L'encadrement des prix, une plus grande coopération régionale et enfin la continuité territoriale. Il y aura d'autres amendements, donc nous allons avancer encore sur l'aspect social, sur l'aspect économique. La répartition géographique des contributions est la plus forte en Île-de-France, suivie de la Réunion, de la Guadeloupe, de la Martinique ou de la Polynésie française. Pour Erika Barrech, c'est la preuve que le projet de loi ne concerne pas uniquement les territoires ultramarins. C'est tout un ensemble, des lois, des règlements, des dispositifs ministériels et surtout, toujours faire avec les gens. Cette consultation numérique enrichira la loi égalité réelle examinée ce mardi à l'Assemblée nationale sous forme d'amendements très précis sur l'aide au fret, la cherté de la vie ou encore le coût du transport maritime. Marie-Carline Chardonnay, à la question que vous inspire le terme égalité réelle, 57% des personnes qui ont répondu ont insisté sur le fait d'avoir les mêmes droits et devoirs que dans l'Hexagone. 6h38 sur la première. La suite du journal, Cécile Thomas. Une semaine pour s'informer sur l'emploi à domicile entre particuliers. C'est en ce moment, c'est la FEPEM Réunion, la Fédération des particuliers employeurs de France, qui pilote l'opération. Plusieurs animations sont prévues jusqu'à vendredi pour Guillaume Brionne, le président de la FEPEM Réunion. Le secteur est créateur d'emplois. L'emploi entre particuliers se développe. Il y a des besoins de personnes qui seraient motivées à travailler dans le secteur, à la fois pour la petite enfance, pour garder les enfants à domicile, mais aussi pour s'occuper de nos gramounes, les personnes âgées, puisque la courbe de démographie à La Réunion laisse envisager un vieillissement progressif de la population. Les personnes âgées vont être de plus en plus nombreuses dans notre société et les institutions ne pourront pas toutes les prendre en charge. Et puis, on a peut-être tous aussi le désir de vieillir tranquillement chez soit à notre domicile. Donc, à cet effet, il y a déjà beaucoup d'emplois à pourvoir dans ce domaine. On encourage les personnes qui seraient intéressées donc à se lancer dans le secteur à venir nous rencontrer lors des animations cette semaine pour prendre plus d'informations. Guillaume Brionne, le président de la FEPEM Réunion, au micro de Johan Atama Dorassi. Les personnes âgées, justement, à l'honneur, hier a débuté la semaine bleue. Et cela n'est pas passé inaperçu à Saint-Joseph. La journée a commencé par un grand défilé dans la ville. Puis les membres des clubs de la 3e jeunesse de la commune se sont retrouvés à la halle des manifestations François Mitterrand. Pour Sandrine Turpin, du Centre communal d'action sociale de Saint-Joseph, c'est un temps fort pour nos aînés. C'est de valoriser le savoir-faire des personnes âgées, mettre en avant ce qu'elles font un peu toute l'année, parce qu'elles préparent la semaine bleue toute l'année, et c'est le moment de le le montrer. Donc les enfants également des différentes écoles de la commune viendront se rendre compte par eux-mêmes des savoir-faire et des différents ateliers. Donc l'échange intergénérationnel, c'est très important pour nous lors de cette semaine également. Les personnes âgées, elles adorent partager leur savoir, montrer ce qu'elles savent faire, et elles sont très très riches. Et pareil, les enfants aussi, ils ont plein de choses à apporter aux personnes âgées. Et c'est pour ça que on a plaisir à être avec ces deux publics. Sandrine Turpin du Centre communal d'action sociale de Saint-Joseph, interrogée par Pierre Comorasamy. Est-ce que votre roman a changé votre vision du monde? Voilà l'une des questions posées par les élèves de Terminale L du lycée Le Vavasseur à l'écrivain sénégalais Mohamed Mbougar Sarr, qui est actuellement en ce moment dans Lille. Je vais y arriver. En 2015, les lycéens lui ont décerné le prix Métis pour son roman Terre Sainte. Terre Sainte qui raconte l'histoire de sept hommes et femmes qui se battent contre l'intégrisme islamique d'Abdelkarim, le sanguinaire chef de la police de la ville de Calais. Même si les jeunes filles ont aimé le roman, elles regrettent un peu la fin. Attention, spoiler, si vous voulez lire le roman, on vous dévoile la fin. J'ai aimé en fait comment il a tourné cette histoire avec les personnages qu'il a mis, parce qu'en fait je trouve que c'est vraiment un roman très émouvant en fait. Je trouve que c'est un sujet assez profond parce que le monde actuel, il est beaucoup concerné par le terrorisme. Moi je trouve que c'est très intéressant de voir le mélange des genres qu'il a fait, varié en fait, épistolaire et narration. Enfin, je trouve que c'est très beau et c'est son premier roman et c'est une très belle initiative de sa part. L'histoire est brutale. Oui, mais la beauté, c'est de le raconter et de faire partager cet événement. Je pense que toute histoire mérite d'être partagée, racontée. Et c'est une relation entre le lecteur et l'auteur qui est vraiment intéressante. Et l'écriture est là pour lier ça. Et c'est fabuleux. Des lycéens heureux de lire. Et on vous a donc raconté un petit peu la fin. Des propos recueillis par Jean-Paul Mélan. Mais regardez. J'ai pas écouté. Là, regardez, deux secondes. Vous avez oublié, c'est bon. Voilà, vous avez oublié. Va. Merci, Cécile. Je crois que c'est Men in Black ici, donc, quoi. 6h50, les une de l'après, j'ai essayé. Bon, en même temps, ils n'avaient pas qu'à dire la fin. Bon, allez. <rire> 6h42 sur la première. Boostez votre journée en suivant la météo avec Fanamalt, boisson énergisante. Commence à avoir un peu chaud là. Hein. Ouais, ça sent et le fond de l'air est plutôt humide aussi en plus. Hein, depuis hier avec ces pluies qui ont laissé pas mal d'humidité au sol. Les hauteurs du nord, l'est et les plaines sont encore sous les nuages ce matin. Puis ça devrait se dégager tout de même une bonne partie de la matinée. Le soleil va s'imposer un peu partout. Il est déjà bien présent dans l'ouest et le sud. Et puis ensuite les nuages vont être un petit peu plus présents, un peu comme hier. Vont bourgeonner assez rapidement et donner de la grisaille, surtout sur la hauteur de l'ouest et du sud-ouest. Le dimithyl, elle sera sous les nuages cet après-midi, certainement aussi les hauts de Saint-Leu et ceux du tampon avec quelques gouttes possibles dans ces régions, un peu comme hier. Ailleurs, passage nuageux et éclaircies partageront le ciel avec des températures agréables, voire donc presque chaudes, 26 à 29 degrés sur le pourtour du littoral. Il fera 29 par exemple au port et à Saint-Gilles et de 16 à 21 degrés dans les hauts. 21 à Sillaos et au tampon au meilleur de la journée et le thermomètre va s'affoler encore un peu plus demain puisque on devrait approcher, voire dépasser les 30 degrés. Boostez votre journée en suivant la météo avec Fanamalt, boisson énergisante. Est-ce que ça se complique sur le réseau routier? Yves, tout de suite. L'info route vous est présentée par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre, www.ismaëlaboudou.com. Yves qui est toujours dans le sud, rond-point de la Caffrine. Ouais, c'est pas encore trop ralenti ici avant d'aborder le rond-point. Si vous arrivez de Petite-Île de Grand-Anse, donc en bout de quatre voies de Grand-Bourg déviation, donc c'est pas encore trop chargé. Ça roulait plutôt encore pas trop mal non plus sur la déviation nord-est de Saint-Pierre avant d'aborder Bassin-Plat. La circulation est plutôt fluide. Donc pour traverser le boulevard Banque dans les deux sens, attention, il y a un soleil éblouissant ici. Hein, donc vaut mieux avoir un pare-brise bien propre. Oui, là aussi c'est compliqué puisque ça roule toujours avec les mêmes ralentissements à hauteur de Plateau Caillou. Sur la fin de la route des Tamarins, c'est l'entrée ouest de Saint-Denis, parce que là, ça ralentit avant les Potences. On est entre le virage du Gouffre et les Potences pour aborder le chef-lieu. Je rappelle que la route du Littoral est bien ouverte sur quatre voies. Je pense que ce matin, il y en a qui sont partis tôt, ne sachant pas que c'était encore, que ça avait été rouvert hier sur quatre voies. Voilà, attention également au danger. Je ne sais pas s'il y a eu, on a pu venir remettre en fonction le feu tricolore au carrefour de la rue Mazagran avec le boulevard Jean Jaurès, c'est-à-dire le boulevard sud. C'est le secteur du Lavoir. Les feux ne fonctionnaient pas hier. Et là, c'est en clignotant orange ce matin. Attention, il y a danger à ce carrefour. Entrée est toujours fluide, c'est ralenti essentiellement jusqu'au plateau de la Mare si vous arrivez depuis Sainte-Suzanne et même quasiment depuis la grande rivière Saint-Jean. Soyez patients dans l'Est, à tout à l'heure. L'inforoute vous est présentée par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre, www.ismaelaboudou.com. Grand Matin avec Isabelle Waro et Mickaël Laurette. Et sur Réunion Première dans Grand Matin, nous, eh ben on a envie de vous faire plaisir. On vous envoie au vieux CEP ce week-end, oui. Au cœur de Cilaos, un hôtel 3 étoiles, une chambre double avec petit déjeuner pour vous. Et la personne de votre choix. Et voilà. Comment on gagne cette hôtel ? Il y a deux possibilités. C'est tout facile. D'abord, un petit message par SMS avec votre prénom et votre numéro de téléphone au 70 2000. Sinon, et bien sur la page Facebook, un petit clic, un petit j'aime et puis un petit message. Et puis voilà. Parce que plus on met de j'aime, plus la communauté s'agrandit. C'est ça. Et nous, on aime bien quand la communauté y agrandit. C'est ça. Plus on est heureux, nous, le matin. Oui, heureux, merci de nous accueillir chez vous. Merci d'accueillir le Litchi aussi maintenant avec son Zambroquel quotidien. Voilà. Oui, qui s'intéresse aujourd'hui, Mickaël, à ceux qui nagent dans la. L'argent, il dort, il lève, bah dans quoi. Le billet. Les riches, c'est les riches. Ah, c'est les riches. Les riches. Ah, les riches, ils sont où là ? Bon, allez, le Chi nous en parle. Près de la moitié de la population rayonnaise vivrait sous le seuil de pauvreté et souvent nous compatissons avec leurs souffrances. Bon Dieu, fait que m'y deviens pas pauvre comme banard. Mais aujourd'hui, m'y voudrait que nous intéressons à nous à une autre minorité mal connue qui souffre beaucoup à La Réunion, les riches. Vous savez, ceux qui ne savent pas ce que c'est que faire un crédit pour acheter une voiture, ceux qui prennent l'avion en première classe pour aller à Paris comme ils prennent le taxi, ceux qui n'ont jamais goûté du riz premier prix. Nous n'avons tendance à oublier que beaucoup de monde à La Réunion y paye l'ISF. Et parmi zot, Nena y fait pitié. Cette n'a l'argent et connaît pas que ça faut faire avec. Zot y achète des trucs sans comprendre que ça y est. Un exemple y arrive souvent. Le banga ou tantine y prend le dernier smartphone à la mode, y paye 1000 euros et après il vient à voir haut parce qu'il gagne pas à utiliser. On peut monter à moins comment il marche ça, mais il n'y arrive pas à aller sur internet dessus. Ou économise depuis 6 mois pour remplacer votre vieux téléphone avec la vitre cassée. Ou ose pas d'y aller. T'es la figure, ce gain pas utilisé, fallait pas acheter. Cher riche, c'est pas parce que Zanana a l'argent qu'il faut absolument que tu achètes les affaires le plus cher quand tu gagnes pas manié. Il s'en va en Allemagne pour acheter directement votre loto sur place, il fait venir les affaires à La Réunion et il n'est pas capable d'utiliser essuie-glace. À quoi ils servent ? Gars, ou mérite pas avoir une affaire pareille ou insulte le loto là. Le pire, c'est Zot casté, il gagne pas décoré. Pascal, pourquoi ou l'achète deux gros aigles de 80 cm en bronze pour mettre de chaque côté de portail ? Les jolis, hein, la rognia moins chère, ça ! M'y parle pas Zot des tableaux, des meubles dépareillés, de la couleur de la peinture qui va pas avec rien. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Dans Zot case, où commence fait l'addition comme une caissière, où connaît le prix de chaque meuble, chaque objet moche et où demande à où que ça partie fait. Si vous connaît pas que ça vous fait avec tout l'argent, donne à moi, m'y va arrange pour où ? Mais il n'y en a plus basique que ça, hein. C'est le ban tantine, il achète linge de marque hyper cher, mais il connaît pas du tout comment faut accorder. Ça, c'est un affaire énerve, momon, ça. Il fait son intéressant avec son robe 600 euros, il met ban de bijoux en or dessus lui. Il y voit même pas que son robe est mal ajusté sur son corps, et que le ban couleur est plus à la mode depuis 15 ans. Hashtag Christina. Nademoun n'est tout simplement pas fait pour être riche. Ça a juste besoin d'aide pour orienter à Zot sur quoi ça doit acheter. Donc, si m'y peut permettre à moi un petit annonce sur radio, aux potentielles auditrices piedri qui écoutent à moi, adoptez le prolétaire que je suis. M'y connais à moi en décoration, high-tech et vêtements. Je ferai un super compagnon de riche. Promis, m'y fera bonne figure. Hygiène et discrétion assurées. Voilà, on critique, mais finalement, l'argent, on aime bien. Hein, bon. Ah, tu m'étonnes, hein. Ça n'aime pas. Bon, Litchi, retour à 16h50 avec David dans le bon tempo, voilà. Qui sera là pour vous accompagner, comme tous les jours. Oui, entre 16h et 18h, arrive Racine des Îles. Oui. Et les unes de la presse. Ensuite, l'appel réveil. Allez, à tout de suite. C'est dans l'actu avec Philippe Dornier. Et votre syndicat ne bouge pas maintenant. Et vous êtes majoritaire. On est habitué à ces grandes déclarations. Le problème, c'est que nous n'avons pas de l'argent. Mais notre argent est dans la poche de l'État. On veut savoir ce qu'on veut à La Réunion. On veut une belle route. On veut ceci, on veut cela. C'est dans l'actu avec Philippe Dornier, du lundi au jeudi, dès 12h15, sur Réunion Première. Première. Allez, bon début de journée avec nous. Vous êtes dans le Grand Matin, vous y êtes bien. Alors, si vous êtes dans les bouchons, on pense à vous. Bah oui, on pense à vous si vous êtes dans les bouchons. Bah c'est important. Tu veux pas penser à eux ? Bah si, on y pense. On y pense. Bah oui. Bah, j'y pense tous les matins d'ailleurs. C'est vrai. Nous, les là. Mais nous, on n'est pas dans les bouchons, mais non. On vous souhaite bien du courage. Et bah, si vous avez une info, vous n'hésitez pas à nous l'envoyer sur le 06 ouais. 92. On passe un coup de fil 99 2000, ce sera plus simple. Voilà, Racine des îles, que ça mon énorme. Mais moi tu sais les connaître. Et quel côté mais ça fait la charité. Bon t'es si moi la bois, et que mi doigt. Bien dis moi, moi payé. Dans ce mère raconte pas n'importe où et t'es si moi. Quand la méchanceté, ça moi la pas acheté, non. Mais nana de mon y prend malin, plaisir. J'en t'y pratique ça comme un loisir. Et pour ça, ma nana, non. Donc pour ça, moi, n'a fait tout le bon. On ne roule mal ou pas, la moi dans sous main. Et pour ça, ma nana, non. Moi, la point réunie, tout le bon guide. Oh, c'est mon pote qui est dans mon métier. Oh, mais quand ça m'a la nada. Donc, quand ça m'a la paix, tout le monde. Moi, mérite tout ça la tête. Mais quand ça m'a la nada. Mais des mon azote, pardon, soupir. La gueule, tout le monde doit l'été. Dans son mère raconte pas n'importe où s'il est pas vrai. Quand la méchanceté, on en sa moi l'a pas acheté, non. Mais nana tout le monde y prend malin, plaisir. Ça tu pratiques ça comme un loisir. Et pour ça moi nana non. Pour que ça moi l'a fait tout le bon. Oh, de mon mal ou pas, la moi dans le sous-main. Hey, oh, c'est comme ça, malanada. Moi, la point rien, tout le bon guide. Moi, c'est mon pote qui est dans mon métier. Mais comme ça, malanada. Mais comme ça, malanada, tout le bon. Racine des îles avec Kossa, moi, Nana. Il est 6h52 dans toute la région. Dans un instant, l'appel réveil. On sera avec un homme qui a des animaux sauvages à la maison. Mais alors, très, très sauvages. Des nouveaux animaux de compagnie, ça va peut-être vous faire peur. Hein. Mais d'ici là, c'est, ça fait peur à Cécile déjà. Les unes de la presse, l'égalité réelle chère à Erika Barèche en une du quotidien ce matin. Oui, le projet de loi sera en discussion aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Vos idées pour l'égalité réelle, titre Le Quotidien, qui vous a demandé votre avis. Autre titre à Saint-Pierre, la guerre des multiples. Multiplex suite, une plainte a été déposée contre Michel Fontaine. À l'aéroport Roland-Garros, il va falloir changer ses habitudes, écrit Le Quotidien. L'aérogare est en travaux. Et puis Dimitri Payet, star d'une équipe à la dérive, nous dit le journal. L'aéroport Roland-Garros, tout beau, tout neuf, en une du journal de Lille. Enfin, un bel aéroport, titre Le Gire, une galerie commerciale, un parc boisé, un nouveau circuit d'embarquement, première mise en service en juin prochain. Autre titre, carrière, Thierry Robert ferme sa mairie aux commissaires enquêteurs. Et puis Le Port, une journée religieuse pour les employés municipaux. Le Brexit en une, journal Le Monde. Theresa May plaide pour une rupture franche avec l'Europe. 100 jours après le référendum britannique, la première ministre a annoncé sa feuille de route pour le Brexit. Autre titre, Emmanuel Macron mise sur son image plutôt que sur son programme. Les forces de l'ordre en une du Figaro. Avec ces Français qui s'engagent pour la sécurité du pays, écrit le Figaro, depuis les attentats de 2015, le nombre de réservistes a fortement progressé dans l'armée, la gendarmerie ou la police. Autre titre, pour sauver Alstom, l'État prêt à équiper de TGV des lignes classiques. Et puis Macron accélère sa campagne, Valls intensifie ses critiques. La lutte contre le terrorisme en une de Libération. Au bord du burn-out. Juges, procureurs, policiers, services de renseignement face à des enquêtes tentaculaires, une explosion du nombre de procédures et un niveau de menace historique. Tous les rouages du système sont submergés, écrit Libé. Autre titre, Macron, le chamboule-tout de la gauche. Et puis Libé a rencontré la pétulante Petula Clark. Antoine Griezmann en une de L'Équipe. J'irai à la guerre pour Deschamps, Antoine Griezmann qui le confie. Il ne se sent pas capitaine pour l'instant. Et L'Équipe qui consacre 3 pages aux jeunes joueurs des Bleus. Autre titre en Ligue 1, Balotelli attend l'OL. Oui, Balotelli qui s'était fait expulser lors du dernier match, mais sa suspension est levée. L'arbitre s'étant trompé. Voilà, Balotelli tous les jours à peu près oui, en une de L'Équipe. Il a la cote en ce moment. Bah Mario Balotelli, de toute façon, c'est un joueur dont on parle beaucoup. Hein. Mais en bien, cette fois-ci, en bien. Donc, c'est ça l'essentiel. Merci Cécile. Un retour marquant. 7h pour l'information avec Florent Marot. Grand matin, l'appel réveil. Et il est 6h55 dans toute la Réunion. Alors, on vous le cache pas, on devait parler des nouveaux animaux de compagnie, et notamment de ces animaux dangereux, vous savez, les serpents, enfin, en tout cas, qu'on pense dangereux, mais ils sont pas si dangereux que ça. Et justement, Johan devait nous en dire un mot. Bah oui, on essaye de l'appeler, mais elle ne répond pas à nous. Mais il n'est pas là. Johan, c'est comme ça. Si tu nous écoutes à la radio, réponds ton téléphone. Ne vous inquiétez pas. Bah oui, de toute façon, Johan sera là d'une manière ou d'une autre, soit aujourd'hui, soit demain. Soit cette semaine. Jusqu'à 20h. 3-0, ça y a pas la paix là. Avec nous, on salue tous ceux et toutes celles qui nous ont rejoints sur le 06 92 70 2000. On salue Laurence notamment. Salut Isa et Mika. C'est Adrien. J'étais infidèle pendant un mois. Eh bien, ravi de l'apprendre. Bon. Mon cher Adrien, on n'est pas obligé non plus de connaître toute ta vie, mais si tu veux, il n'y a pas de problème. Bonjour tous les matins. Il est dit qu'il est infidèle. Je vous écoute, j'aime grand matin, bonne journée à vous. Georges, mais n'importe quoi. Mais pendant allons-nous un mois. Où allons-nous demande. Bonjour grand matin, le je multiplie mes chances. Chérine qui est avec nous, on salue aussi tous ceux et toutes celles qui sont connectés sur la fanpage de Facebook, puisque vous êtes nombreux le matin à liker la page. Bah, continuez de liker la page grand matin, ça vous rapporte quand même peut-être à la fin de la semaine. Un week-end à Silos et ce matin, vos places de cinéma pour aller voir Radin qui est dans les salles obscures avec Danny Boone. Alors, un tout petit mot, oui. et certainement qu'on l'aura un peu plus longtemps prochainement. On va essayer, oui. Johan est enfin avec nous. Johan, coucou, pardon. Johan. Salut Johan. Bonjour. Ça va, vous étiez en train de nourrir les serpents ou quoi? Non. Il doit avoir un petit problème de réseau. Ça peut arriver. Les nouveaux animaux de compagnie, c'est ce que vous avez chez vous, c'est en ça. Fait. Fais rêve à nous, quoi, on est un petit peu chez vous. Des serpents, des lézards. Combien de serpents, Johan? Dites la vérité. Une vingtaine à peu près. Ah, quand même. Vous arrivez à cohabiter avec 20 serpents, Johan. Ouais, bah l'avantage, c'est que ça prend pas beaucoup de place. Ouais. Et ça vous fait pas peur? Ah bah non, sinon j'en aurais pas. Ouais, mais j'imagine, mais enfin, c'est pas dangereux quand même de cohabiter avec 20 serpents? Ça échappe non, pas, ça en fait, tout ce qui est dangereux, c'est interdit à La Réunion de toute façon. Ouais. Voilà, donc comme ça au moins c'est clair. Et est-ce qu'il, des fois, il s'enfuit ou pas du tout, non ça... Non, bah tout est sécurisé, tout les terrariums se ferment à clé chez moi. C'est important de le dire, Johan, que tout ce qui est dangereux est interdit à La Réunion, parce que certains se disent, le monsieur à côté, là, le voisin, là, il a des serpents chez lui, c'est dangereux. Et vous nous dites en fait, Johan, que non, pas tant que ça. Pas tant que ça? Non, pas du tout même. Pas du tout. Même pas tant que ça, c'est pas du tout. Voilà. C'est juste qu'on peut avoir une phobie des serpents, ça peut arriver, ça. Bon. Voilà, ouais, c'est-à-dire que je peux acheter un gentil serpent, mais si je veux acheter un cobra demain matin, je pourrais pas le faire. Non, pas du tout. Voilà. Pas à La Réunion, tout c'est ça. Rassurant au moins déjà. Oui, c'est bien. Ouais. Johan, vous avez un vrai zoo chez vous, voire une animalerie. Voilà, que tout dépend de quel terme on prend. Mais justement, on en reparlera. Bah oui, d'accord. Comme ça, vous nous enverrez des photos, parce que là, du coup, on est un petit peu pris par le temps. Vous nous enverrez des photos. Oh, quel rêve pour moi de vous voir au milieu de 20 serpents. juste pour savoir, le plus grand, il mesure combien? Il doit faire 2m20 à peu près. Plus grand que toi, Mika. Ah, mais c'est ça le truc, ouais. J'imagine 2m20 de serpents. Gros ou pas gros? 12,50 kg. Aïe, aïe, aïe. Ouais, il doit faire 7-8 kilos. 7-8 ah, kilos. Donc gros et grand, quoi. Ça, ça mange 100 souris par jour, t'imagines un peu? Ben non, mais j'ai pas imaginé, moi. Parce que moi, ça me fait un peu. Enfin, je veux dire, j'ai pas trop envie. T'as pas envie? Non, d'avoir des serpents. Mais après, je comprends que certains en aient chez eux. Ben oui, ils sont gentils, apparemment. Joanne, on en reparlera un petit peu plus tard. Un peu plus longuement. D'accord? Ouais, d'accord. Okay, merci, Joanne. On est un peu à la bourre. C'est un peu ça. Okay. Bon réveil. Bonne allez, journée. À bientôt. Bye bye. Au revoir. On va rejoindre Yves Gruyer tout de suite. L'inforoute vous est offerte par Qtech, machine à boire Réunion. Rond-point des Grecs, est-ce que ça roule Yves là-bas? Ah là-bas, oui. Ici présentement oui, parce qu'il y a la déviation de Saint-Joseph, bonjour, donc qui vous permet d'éviter cette sortie et donc ici, mais avec attention un gros trafic hein, donc en direction de Petite-Île, avec notamment le carrefour de Carrosse qui pose un peu problème parce qu'il y a beaucoup de gens qui tournent à gauche pour aller prendre ce chemin neuf. Direction Grand-Anse pour éviter une partie de l'embouteillage parce que c'est vrai que ça coinçait entre, alors moi au moment où je vous croisais tout à l'heure les automobilistes, donc entre le carrefour de la croisée de Petite-Île et le giratoire chemin d'Aguerre. Donc c'est à ce niveau que démarrent les ralentissements. Une fois passé le rond-point de Grand-Anse, bah, la descente légèrement encombrée, mais après ça roule mieux sur la déviation de Grand-Bois avant d'en trouver un peu plus de monde avant le rond-point de la Caffrine à 7h06 sur la 82 tampon Saint-Pierre. C'est à peu près roulant pour le moment, donc pas trop de difficultés. Vous êtes un peu plus nombreux donc côté, enfin route du littoral surtout, hein, parce que ça commence avant le virage du gouffre hein, pour les ralentissements, alors que sur la route des Tamarins, on est toujours à hauteur de l'échangeur de Plateau-Caillou. Attention, un peu plus de monde également entre sur la route des plages hein, pour rejoindre Saint-Paul actuellement depuis Saint-Gilles. En ce qui concerne le trafic sur pour l'entrée Est, ben, assez peu de changements. Ça roule toujours difficilement jusqu'au plateau de la Mare. La ligne droite de la Jamaïque est encore relativement dégagée pour le moment. Voilà, prudence avec une chaussée qui est en train de sécher dans l'Est. L'inforoute vous a été offerte par Qtech, machine à boire Réunion. 7h sur la première. C'est l'heure du journal. Florent Marot, bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. L'aéroport Roland-Garros, victime hier soir d'une attaque terroriste. Des hommes armés ont pris des passagers en otage. Un exercice, mais en conditions réelles, les forces de l'ordre étaient présentes en nombre. Nous étions sur place. La route du littoral, de nouveau sur quatre voies ce matin. Le feu qui a ravagé Saint-Bernard est maîtrisé. Les travaux de purge sont terminés. Du moins pour l'instant, la route sera totalement fermée dimanche matin. C'est une information Réunion Première. Connaissez-vous le PXE, le pseudo xanthome élastique? C'est une maladie génétique rare à laquelle s'intéresse le docteur Omar J, un réunionnais spécialiste des maladies vasculaires. Son portrait dans ce journal. Et puis la semaine bleue, celle réservée à nos Gramoun, a démarré hier à Saint-Joseph. L'opération a débuté avec un défilé dans la rue principale, un bal musette et un pot de l'amitié ont pris le relais. Les plus de 60 ans représentent aujourd'hui 20% de la population. L'exercice a duré 3 heures. Une attaque terroriste à l'aéroport Roland-Garros. Policiers, gendarmes, militaires, pompiers, ils étaient tous sur place. 200 personnes et autant de figurants. Au programme, une attaque terroriste, un exercice grandeur nature sous les yeux du préfet. Les forces de l'ordre ont dû répondre à des coups de feu. Le scénario prévoyait également une prise d'otage. Le quartier a été bouclé, mais notre journaliste Laurent Figon est passé. Il a assisté à l'exercice. 23h30. 6 hommes armés pénètrent dans l'aéroport au niveau des formalités de police. Ils tirent sur tous ceux qui se trouvent sur leur route. Des passagers s'effondrent, blessés ou mortellement touchés. D'autres arrivent à s'enfuir et à se mettre à l'abri. Je vous rassure, ceci n'est qu'un exercice grandeur nature. L'objectif est de tester les capacités des services de sécurité et de secours face à la menace terroriste. Le GIGN et le GIPN ont travaillé de concert pour sécuriser les lieux, soutenus par les patrouilles Vigipirates de l'armée. Une fois les terroristes neutralisés, les secours prennent le relais. Les pompiers évacuent les blessés les plus graves au poste de regroupement des victimes, situé à la sortie du parking de l'aéroport. Là, ce sont les urgentistes qui répartissent les patients selon les différentes disponibilités dans les hôpitaux et cliniques de Lille. 2h du matin, l'exercice prend fin pour les 200 personnels et presque autant de victimes volontaires.

Erika Baretsch, la ministre des Outre-mer, interrogée par Marie-Carline Chardonnay. Autre mesure, l'alignement du complément familial et de l'allocation vieillesse. L'allocation vieillesse, voilà quelque chose qui intéresse nos Gramoun, même s'ils vont avoir la tête ailleurs ces prochains jours. La semaine bleue a débuté hier dans l'île, à Saint-Joseph. La ville a mis les petits plats dans les grands. Les 14 clubs de la 3e jeunesse ont été invités pour le bal musette, le pot de l'amitié, le défilé dans la rue principale. Des animations et de la musique pour le plus grand bonheur des Gramoun. Dans l'ambiance, il vient de rencontrer de nouveaux amis. La journée commence bien, c'est la première fois qu'il vient. Longtemps, j'étais dans ma petite bulle, je ne voyais pas rien autour de moi. Et maintenant, depuis que j'ai rencontré la 3e jeunesse, eh ben, croyez-moi, vraiment, ça me met de la joie dans le cœur. Et puis, il permet à moi de rencontrer les personnes. Ben, c'est une façon de retrouver à nous, tous les vieux. Et ben, tout le monde ensemble, hein. Tout le monde est réuni, tous les clubs. Et c'est une belle semaine. Des réactions recueillies par Pierre Komorasamy. La semaine bleue à Saint-Joseph et dans toute l'île, c'est jusqu'à dimanche. Un mot de sport pour terminer en football. La Saint-Pierroise a bien entamé sa coupe des clubs champions de l'océan Indien. Hier, les Cigognes ont battu les Mauriciens du cercle de Joachim 4-1. Saint-Pierre qui rejoue demain, ce sera cette fois face aux Seychellois de La Passe à 15h. C'est la fin de ce journal local. Place maintenant à l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de France Info. Et on parle ce matin à Fanny Bouvard de cette commande de TGV. C'est une commande impressionnante que va passer le gouvernement pour sauver l'usine Alstom de Belfort. 16 TGV, soit 500 millions d'euros. Des rames mises en service par l'État sur ces lignes intercités et donc à vitesse limitée. Cette commande assure du travail pour 2 ans au site et évite donc son transfert. Les employés d'Alstom à Belfort espèrent être fixés sur leur sort ce matin, alors que Christophe Sirugue, le secrétaire d'État à l'industrie, est attendu à Belfort. Il doit présenter le plan du gouvernement en présence des élus locaux, de syndicats et de la direction du groupe. Autre crise sur la table du gouvernement ce matin, celle que traversent les céréaliers après la météo catastrophique du printemps dernier et les inondations qui ont touché l'Île-de-France et la région Centre-Val de Loire. Le gouvernement doit dévoiler un plan d'aide. Manuel Valls reçoit à Matignon l'ensemble des syndicats agricoles à 8h30. Après 10 mois de captivité au Yémen, l'humanitaire franco-tunisienne Noura Nouas vient d'être libérée. Employée de la Croix-Rouge internationale, elle avait été enlevée le 1er décembre à Sanaa, la capitale yéménite tenue par les rebelles chiites Houthis. On ignore pour l'instant l'identité de ses ravisseurs et les conditions de sa libération, mais il semble que le sultanat d'Oman, pays de la péninsule arabique, ait joué un grand rôle. C'est d'ailleurs là-bas que Noura Nouas a été transférée, prise en charge dans un hôpital. Dans un communiqué, François Hollande s'est dit soulagé de cette issue. Pas question que les électeurs de gauche viennent se mêler de la primaire de la droite et du centre. C'est le message passé hier soir par Nicolas Sarkozy lors d'un meeting dans le Bas-Rhin. Qu'on appelle à voter des électeurs de gauche, ça veut dire qu'on se prépare à des arrangements, a-t-il déclaré devant des supporters et sous les applaudissements. L'ancien président de la République répondait en diagonale à Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre et soutien d'Alain Juppé. Il avait affirmé dans Libération qu'Alain Juppé s'adressait aussi bien aux déçus du quinquennat Hollande que ceux du quinquennat de Nicolas Sarkozy. La relation Washington-Moscou au point mort sur le dossier syrien. Les États-Unis ont annoncé qu'ils suspendaient leur pourparlers avec la Russie après la destruction totale du plus grand hôpital du secteur rebelle d'Alep. C'est la goutte d'eau pour Washington qui se dit à bout de patience après 11 jours d'offensive contre la ville. Une offensive menée par le régime de Bachar al-Assad, soutenue par la Russie. Moscou parle de son côté d'une décision regrettable. Didier Deschamps crée la surprise. Il a choisi Presnel Kimpembe, 21 ans, pour remplacer Eliakim Mangala, blessé à la jambe droite. Le jeune défenseur parisien fera donc son entrée en équipe de France. Ce sera vendredi contre la Bulgarie, match de qualification pour le Mondial 2018. Mais c'est qu'il est 7h13, Michael. La météo avec Sirius Réunion. Chauffe-eau solaire, nouvelle génération. Ah bah c'est le bleu qui l'emporte, ah bah ça c'est une bonne nouvelle. Ça y est, c'est le retour du bleu après la grisaille d'hier sur une grande partie de la Réunion et même des pluies qui sont tombées encore cette nuit. Alors on a encore quelques nuages par endroit, hein. C'est vrai, c'est pas bleu partout. Mais globalement c'est une matinée ensoleillée avec un après-midi qui sera un peu plus nuageux notamment sur les hauts. Grisaille un peu plus persistante notamment sur le Dimity, le Tampon et les hauteurs de Saint-Leu avec pourquoi pas quelques averses dans ces endroits. Le vent va souffler modérément sur la côte nord-est et vers Saint-Philippe et la Plaine des Cafres comptait 50 km/h les températures chaudes. Et oui, ça commence à monter. 29 degrés sur le littoral, notamment à Saint-Gilles. La météo avec Sirius Réunion. Chauffe-eau solaire, nouvelle génération. Un point trafic tout de suite. L'inforoute vous est présentée par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre. www.ismaëlabodou.com. C'est à vous Yves. Rue Raphaël Babet, Saint-Joseph, centre-ville. Alors il y a 3 minutes avant le rond-point de la gare routière, ça circulait parfaitement. Là c'est un peu ralenti. Il y a un peu de trafic pour franchir le pont de la rivière d'abord, mais ça se passait pas trop mal pour la descente à la fois de Jean Petit et vous qui arrivez justement de Vincent Doulangevin en direction de Saint-Pierre. Donc les ralentissements toujours avant la croisée de Petite-Île maintenant. Donc croisée de Petite-Île, du monde sur la route de chemin neuf, donc la route de Grand-Anse en direction de ce rond-point et puis ensuite avant la Caffrine ou maintenant au niveau de l'échangeur de Bassin-Plat, circulation qui se densifie notamment au niveau de la sortie des casernes en descendant du tampon, mais ça roule encore hein, donc sur la 4 voies le tampon Saint-Pierre en ce moment. Attention, alors ralentissement toujours à hauteur des changeurs de Plateau Caillou, c'était la bonne nouvelle. À Grandfond et Boucan, pour le moment le trafic est encore relativement fluide. Par contre c'est la route du littoral où là ça s'est compliqué sérieusement, c'est à l'entrée de la Corniche, même avant l'entrée de la route du littoral là, au niveau de la ravine La Fleur. Soyez patients avec des tronçons roulants, mais beaucoup de zones bien chargées. Le pont Vinsan l'est également, les tranchées pas trop encombrées, mais attention, je rappelle qu'il y a toujours ce feu qui ne fonctionnait pas ce matin au niveau du lavoir. C'est au carrefour Mazagran avec le boulevard sud. L'entrée est, ça y est, c'est plein. Attention, on a un véhicule en panne donc au début de la montée de Bel Air. Ça se passe dans le sens Saint-André vers Saint-Denis. Sur la voie de gauche, ce véhicule est immobilisé. Nous espérons qu'il soit vite poussé sur la bande d'arrêt d'urgence. Donc, il y a encore des difficultés dans ce secteur. L'inforoute vous est présentée par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre. www.ismaëlabodou.com. Et les 7h15 d'un grand matin, merci de nous faire confiance. À suivre, Jean-Paul Noël, président du directoire de la SA Aéroport de La Réunion, Roland-Garros. Envie de booster votre carrière ? Le diplôme universitaire gestion des ressources humaines de l'IAE. Faites évoluer vos compétences et ouvrez-vous de nouvelles perspectives. Une formation courte en cours du soir, à partir de Bac plus 2, DU GRH de l'IAE. Renseignez-vous et candidatez maintenant sur www.iae-reunion.fr. IAE, l'école universitaire de management. Zatiam devinette ? Devinez. Cosa, les gratuites. Les zones 5 à couvert VA et Asperazade dans votre pharmacie. Il ne peut pas s'en passer, c'est tant tellement les Gaïa pour la sécurité de toutes. Alors, qu'est-ce qu'il est? Ben oui, c'est le petit bac ou ancien pour traiter tout ce qui pique. Aiguilles, seringues, sang lancette, sac pour contrôle diabète là. Si vous faites soin ou tout seul et si vous voulez connaître un peu plus comment prothèse à ou sans votre famille, viens voir sur dastri.fr. D-A-S-T-R-I, Dastri, ou ancien, ou tri et ni ramasse. Première. C'est l'heure de l'invité de Grand Matin avec Philippe Dornier. Bonjour Philippe. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Et ce matin vous recevez Jean-Paul Noël, président du directoire de l'aéroport de La Réunion, Roland-Garros. Jean-Paul Noël, bonjour. Bonjour. L'aéroport Roland-Garros se modernise avec d'importants travaux, on va en parler dans un instant. Mais d'abord, quel bilan vous tirez de l'exercice antiterroriste mené cette nuit à Gilot? On y est revenu dans le journal de 7h tout à l'heure. Le moment n'est peut-être pas encore à faire un bilan, dans la mesure où effectivement il y a un retour d'expérience de façon à tirer tous les enseignements de cette opération dans les quelques jours qui vont venir. Ce qu'on peut dire de façon générale, c'est que la sécurité est un point extrêmement important dans un espace public, comme l'est un aéroport, et ceci est vrai sur tous les aéroports, et ça donne lieu bien évidemment à des plans, à des mesures, à des procédures qui sont portées par différents services, et il est logique que de temps en temps, eh bien, on veuille bien tester, en tout cas comment fonctionnent les procédures, si les relations entre les services fonctionnent correctement. Alors ce qui était simulé, c'est une attaque avec prise d'otage. Est-ce que l'aéroport est prêt concrètement à faire face à ce genre de situation ? On n'est jamais prêt à réaliser ou bien à faire face à ce genre de situation parce que on sait jamais comment ça démarre. Cela dit, il y a quand même un certain nombre de procédures qui existent et dans ce cas, les personnes à l'aéroport, je crois qu'ils se fient notamment à ces différentes procédures de façon à voir comment faire face à ce genre de situation. Il y a les forces de sécurité, bien sûr, mais vous, à votre niveau, au niveau de l'aéroport, vous avez bien des dispositifs à déclencher si des terroristes font irruption dans l'aérogare? C'est prévu dans les plans qui existent sur l'aéroport, tout à fait. Alors, exercice antiterroriste, et pourtant, dimanche dernier, un bagage abandonné est resté au milieu du hall pendant plus de 20 minutes. Aucune procédure engagée, aucun appel lancé au micro. Ce sont nos confrères du GIR qui relatent l'incident ce matin. Comment c'est possible ? Écoutez, les bagages abandonnés sont des situations qu'on rencontre régulièrement. Et il ne se passe pas un moment dans le mois où il n'y a pas ce genre de situation. Ben dans ce cas, je crois qu'il y a une procédure qui existe, qui est très claire, qui vise notamment à établir un périmètre de sécurité. Et ensuite, on fait intervenir les services concernés, notamment le NEDEX, pour inspecter et faire ce qui est prévu par les textes. Mais ça peut ne pas marcher à tous les coups, puisque là, les passagers avaient signalé pourtant le problème aux agents de l'aéroport. Écoutez, il y a des services, notamment de police, de gendarmerie, qui sont là, présents, et qui sont chargés, en tout cas, de faire en sorte que le bagage soit traité dans les conditions qui conviennent. On en vient, Jean-Paul Noël, au chantier permanent, presque, de Roland-Garros. Vous promettez un véritable tournant dans l'histoire de l'aéroport. Ça veut dire qu'il n'y aura plus d'embouteillage sur le parking, que les files d'attente au comptoir d'enregistrement, ce sera fini ? Écoutez, l'aéroport se modernise, l'aéroport s'agrandit, l'aéroport se développe. Il est clair que lorsqu'on a une évolution du trafic qui se dessine dans le temps, eh bien, on doit anticiper et prévoir, en tout cas, les évolutions à la fois qui se traduisent à la fois par des espaces supplémentaires et puis, bien évidemment, je dirais, une offre de service qui vienne compléter, en tout cas, ce service qu'on met au service des passagers. Mais est-ce que ces modifications vont mettre fin aux bouchons autour de l'aéroport ? Est-ce qu'on prendra l'avion plus vite qu'aujourd'hui ? L'aéroport traite aujourd'hui 2 100 000 passagers avec des équipements qu'on connaît aujourd'hui, qui connaît des moments de saturation. Et il est tout à fait logique, eh bien, que dans les mesures qui sont prises, en tout cas dans le cadre du programme d'investissement, eh bien, un certain nombre d'actions sont prévues pour à la fois donner un peu plus d'espace, un peu plus de fluidité, un peu plus d'équipement qui va permettre, en tout cas, de traiter les passagers dans un maximum de confort et puis, bien évidemment, un maximum d'espace. C'est ça qui donne un peu la traduction de la qualité du traitement du passager. L'aéroport, Roland-Garros en tout cas, est résolument tourné aujourd'hui vers cette qualité de traitement dans les années qui vont venir. On comprend que vous pensez que ça ira mieux, mais qu'on n'en est pas complètement sûr. Il est vrai que tout aéroport, dans la mesure où effectivement on a des passagers qui existent, eh bien on regarde si le niveau d'équipement qui est présent à l'aéroport est bien adapté, notamment au trafic et au nombre de passagers qu'on a. Eh bien, si effectivement on a des moments où effectivement on connaît des moments de saturation, il est clair que l'aéroport doit réagir de façon à pouvoir adapter ses équipements, adapter son traitement. Et adapter son parcours, un parcours des voyageurs qui sera modifié au départ comme à l'arrivée. Où elles vont se dérouler les différentes étapes ? Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que trois fonctions au sein de l'aérogare sont exercées sur un même niveau, dans le hall public. Une fonction d'enregistrement, une fonction de contrôle police, une fonction de contrôle sûreté, et on peut ajouter également une fonction commerciale. Ces trois fonctions existent sur un même niveau, et là on souhaite en tout cas faire en sorte que ces fonctions soient étalées sur deux niveaux, le niveau 1 et le niveau 2, ce qu'on appelle chez nous le niveau 1 et le niveau 2. Alors concrètement, je viens prendre l'avion, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous venez prendre l'avion, vous allez enregistrer demain, vous allez enregistrer tout comme sur le lieu d'enregistrement qui existe aujourd'hui. Ensuite, vous allez prendre un escalator, voire un ascenseur qu'on va positionner de façon à pouvoir donner un peu plus de capacité de traitement là aussi, qui va vous emmener le passager au deuxième niveau. Au deuxième niveau, on aura une salle d'attente qui est moins exploitée aujourd'hui, va permettre en tout cas aux passagers et aux accompagnants tout de suite d'accompagner les passagers. Et les passagers, ils vont prendre la file avec un contrôle de police qui apparaît logiquement comme étant le premier niveau de contrôle. Et ensuite, on a le contrôle sûreté. Juste après le contrôle de sûreté, là où on a aujourd'hui les bars et puis la cafétéria, eh bien, nous allons avoir demain là à la fois le contrôle sûreté dans un espace et une surface plus importante. Ça permettra en tout cas de traiter davantage de passagers. Aujourd'hui, nous avons 600 000 passagers qui sont traités à l'heure. Si on veut, on va monter à 1 000 passagers à l'heure. Je reviens sur le parcours. Ouais. Donc là, on on est à l'étage, on est dans la zone du duty free, c'est ça ? Alors, et ensuite, on va prendre l'avion, qu'est-ce qu'il faut faire ? Juste après ce contrôle, on arrive dans un espace commercial de 650 mètres carrés qu'on a prévu. C'est le commerce du duty free avec, on va peut-être venir un petit moment sur les différents commerces. Et ensuite, le passager peut redescendre dans la salle d'embarquement en empruntant également là un escalator et puis il va attendre le moment de son départ. Pourquoi ces montagnes russes ? On a compris, on embarque au même étage que là où on enregistre et entre les deux, il faut monter à l'étage pour les formalités douanières. Est-ce que ça garantit davantage de fluidité ? Pourquoi ? Ça donne en tout cas beaucoup plus d'espace, beaucoup plus d'espace qui permet en tout cas, au lieu d'avoir une concentration des passagers qui sont sur l'espace du hall public aujourd'hui, et bien que ça soit étalé à la fois dans l'espace et ça permet en tout cas d'avoir beaucoup plus de fluidité, plus de sécurité en tout cas dans le traitement du passager. Ce que les gens aiment bien quand ils accompagnent quelqu'un qui prend l'avion, c'est d'aller voir les pistes au premier étage. Est-ce que ce sera toujours possible dans la nouvelle configuration ? Dans la nouvelle configuration, il est toujours possible de voir les pistes dans la mesure où effectivement nous avons un espace. Il faut quand même séparer la partie contrôle de la partie d'accès au public. Eh bien, il sera toujours possible aux passagers de voir les... aux accompagnants plutôt de voir les passagers qui arrivent ou bien qui sont au départ. Alors, nouveau circuit pour les passagers à partir de juin 2017, duty free totalement rénové, vous anticipez une hausse du nombre de passagers, 400 000 de plus qu'aujourd'hui, hein, puisque vous visez 2,5 millions. Qu'est-ce qui garantit cette hausse avec un tourisme qui peine à décoller ? Nous avons une étude de trafic, en tout cas, qui permet de prendre en compte les évolutions qu'on peut avoir dans les quelques années qui vont venir. Cette évolution repose à la fois sur une évolution tendancielle, parce que ce qu'on peut dire depuis les 30 dernières années, c'est que l'aérogare a connu, en tout cas, une évolution du trafic qui ne s'est pas démentie année sur année, même si effectivement, parfois, on a des sinusoïdes qui fait qu'on a une petite baisse et puis une augmentation. Mais je crois que l'évolution globale est de l'ordre de 2% par an. Cette tendance-là ne va pas se démentir. Lorsqu'on connaît en même temps qu'il y a une démographie qui n'arrête pas d'évoluer, et avec la propension du Réunionnais à vouloir voyager malgré tout. Donc ça, c'était un premier aspect des choses. Deuxième aspect des choses, c'est qu'il y a un certain nombre de courants de trafic qui se dessinent en l'état actuel, courants de trafic qui reposent sur les compagnies existantes. Il y en a d'autres également qui souhaitent faire de la Réunion une destination. Ben, vous parlez de French Blue, la compagnie low cost qui va desservir la Réunion à partir de juin prochain, c'est une bonne chose ? Il y a French Blue, il y a également d'autres territoires sur lesquels nous sommes à l'étude. Nous avons l'ambition en tout cas, d'aller chercher une à deux dessertes par an, notamment sur les pays de la zone, l'Afrique, l'Asie. Et donc, à partir de ce moment-là, je crois qu'il y a matière à considérer que l'évolution de trafic sera au rendez-vous dans les quelques années qui vont venir. Je reviens sur le duty free. Ouais. Vous pensez concurrencer celui de Maurice ? Le sujet n'est pas de la concurrence, mais le sujet c'est simplement, je dirais, d'avoir une offre de service qui soit à la hauteur des attentes des gens qui passent par l'aéroport Roland-Garros. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une offre de service qui est peu diversifiée. Elle est de qualité, mais elle est peu diversifiée. On a 10 commerces aujourd'hui, à la fois dans la zone réservée et puis dans la zone publique. Et des commerces qui sont parfois restés longtemps fermés. Pourquoi ça marcherait cette fois-ci ? Nous allons offrir en tout cas de 10 à 20 commerces supplémentaires avec à la fois des marques internationales mais également des marques locales. Une offre qui va être en tout cas beaucoup plus élargie que ce qui est offert aujourd'hui et nous espérons en tout cas que cette offre va pouvoir répondre en tout cas à ce qui est attendu puisque on n'a pas mis ces activités commerciales comme ça. On a fait les études préalables et ce sont des attentes et des besoins auxquels répond l'état actuel en mettant cette offre commerciale. Et très très rapidement, oui ou non, est-ce que la taxe d'aéroport va augmenter ? Ça fait partie du prix du billet d'avion. Est-ce que les travaux nécessitent d'augmenter la taxe d'aéroport ? Tout dépend ce que vous mettez dans la taxe d'aéroport. Nous, en tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est que la taxe... Est-ce qu'elle va augmenter ? Ce qu'on appelle la redevance aéroportuaire ou aéronautique, c'est ces redevances qui font la partie des recettes de l'aéroport, n'ont pas évolué ces dernières années. Merci Jean-Paul Noël d'avoir été l'invité de Réunion Première ce matin. Bonne journée. Merci, bonne journée à vous. Merci à vous. Le président du directoire de l'aéroport de la Réunion, Roland Garros, était avec nous. Une interview à retrouver à 13h30. Et voici Navy dans toute la Réunion. Ensuite, l'information routière avec Yves Bruyer. Bien sûr, avec une route du littoral ouverte sur quatre voies ce matin. Ça va mieux. Bienvenue. La peine au fond d'une fiole, puisqu'on sera plus ensemble. Si fier qu'on s'abandonne, C'est fou ce qu'on se ressemble. On ne se reverra pas. T'aimes tant te faire du mal. L'amour c'est comme ça. Tout ne tient qu'aux détails. Alors j'écoute du Miles Davis. Et le temps passe. On s'afflige des supplices. Puis on se lasse. Prisonnier de mon spleen. La peine c'est pas du toc. Des larmes de crocodile. En fond Herbie Hancock. Donne-moi de tes nouvelles. Si la nuit tu es seul. Peu importe qu'on s'aime. Ou qu'on se fasse la gueule. Alors j'écoute du Miles Davis. Le matin ça se passe comme ça. Sur Réunion Première, vous y êtes bien. Alors restez-y bah avec oui. Navy. J'écoute du Miles Davis. L'inforoute vous est offerte par QTech, machine à boire Réunion. Yves Gruyer, c'est à vous, sortie des Jacques. Oui, en direction de Langevin et Vincendreau, il y aura des travaux tout à l'heure, le curage de fossé, chantier prévu toute cette semaine avec de l'alternat en place. Attention, le véhicule du côté de Sainte-Suzanne après la marine et avant la montée de Bel Air. Et toujours sur la voie de gauche en attendant d'être dépanné, donc c'est toujours pas le cas. La circulation se fait toujours au compte-goutte en passant sur la voie de droite en direction de Saint-Denis. Donc encore des ralentissements qui ont du mal à se résorber bien sûr en amont de cette zone et donc de ce véhicule en difficulté. Après, bah, y a un trafic toujours bien chargé et ralenti jusqu'à l'entrée de Saint-Denis. Hein, donc ça reste encore difficile. Pont-Mitsan également, toujours encombré. Les tranchées, ça roule encore pas trop mal. L'entrée ouest surtout, ça va nettement mieux puisque tout à l'heure, on était à l'entrée de la route du littoral. On est revenu au niveau de la Grande Chaloupe pour la zone de perturbation sur la corniche, mais bien ouverte sur quatre voies. En ce qui concerne l'ouest, pas de changement, toujours échangeur de plateau cailloux, mais ça coince à Grandfond et à Boucan. Et attention également sur la partie sud, des ralentissements dans les descentes du tampon à hauteur de Mont-Caprice. Circulation bien ralentie ici pour Saint-Joseph. La traversée de l'agglomération, toujours plutôt tranquille. L'inforoute vous a été offerte par QTech. Machine à boire Réunion. 7h30 sur la première. C'est l'heure du journal. Cécile Thomas, bonjour. Bonjour à tous. Coordonner les opérations des forces de l'ordre et des secours en cas d'attaque terroriste à l'aéroport Roland-Garros. C'était l'objet de l'exercice grandeur nature mené cette nuit. Nous entendrons le préfet Dominique Saurin. Des ententes entre les carriers et les transporteurs pour tirer profit du chantier de la nouvelle route du littoral. Une évidence pour Jean-Pierre Marchaud d'Europe Écologie Les Verts. Il était l'invité de Devant la Réunion sur Réunion Première hier soir. Une semaine pour tout savoir sur l'emploi à domicile, travailler dans la l'égalité plutôt qu'au noir, c'est le message de cette semaine. Et puis à Mayotte, on parle d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Pas facile d'obtenir le même salaire à compétences égales, mais certaines femmes se battent. Reportage dans ce journal. Et on commence donc avec cette nuit agitée à l'aéroport. Après l'arrivée du dernier vol de l'île Maurice, l'aérogare vide de ses passagers s'est remplie de figurants. Les autorités ont mené un exercice grandeur nature, un entraînement pour faire face à une attaque terroriste. On pense aux images de l'aéroport de Bruxelles et des bombes activées par des djihadistes. Cette fois, les passagers ont été pris pour cible au départ et à l'arrivée avec une prise d'otage. Forces de l'ordre et secouristes ont dû intervenir comme s'il s'agissait d'une vraie attaque. Le préfet Dominique Saurin a superviser les opérations. C'est voir comment, en cas donc d'action terroriste, tous ces services pourraient réagir ensemble. Et c'était l'objectif premier, parce que jamais un tel exercice n'avait été fait ici sur l'île, un exercice surtout de cette ampleur. Et surtout dans le scénario, ce qui était important, c'est qu'il n'y avait rien de préparé à l'avance. Enfin si, on avait élaboré un scénario, mais les forces d'intervention ne connaissaient pas le détail et devaient réagir au fur et à mesure de leur arrivée et de leur progression sur l'aéroport. Globalement, qu'est-ce que vous avez pu voir et quels enseignements vous avez pu en tirer ? Mais surtout, on va faire d'ici quelques semaines, nous allons faire un retour d'expérience pour tirer les leçons de l'exercice. Ça va surtout avoir trait

Et plus d'infos auprès de la FEDEM Réunion, la Fédération des particuliers employeurs de France, toute cette semaine. Philippe Dornier reviendra ce midi sur Réunion Première, c'est dans l'actu, sera consacré à ce type de travail. Rendez-vous dès midi 15. À Mayotte, comme à Paris, on parle d'égalité, l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Sur une initiative du ministère du Droit des Femmes, il existe une semaine pour l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Mais à compétences égales et sur la même fonction, les écarts de salaire restent importants. Et à Mayotte, les femmes doivent encore plus se battre pour espérer réduire ces inégalités. Un combat que mène Sania Youssouf, cette Mahoraise est gérante d'un cabinet conseil. Fraïti Youssouf Saïd l'a rencontrée. Voilà 15 ans que Sania Youssouf, la cinquantaine, a ouvert son affaire, un cabinet de conseil aux entreprises. Elle accompagne les porteurs de projets, notamment les demandeurs d'emploi, de la naissance de l'idée à sa concrétisation et son affaire se porte plutôt bien. Je suis partie au départ avec des clients particuliers pour être après labellisée dans le cadre du dispositif FUNAC et j'ai commencé à travailler avec l'État. J'ai commencé à travailler avec des structures plus conséquentes. Et maintenant, je rentre avec les FSE. 15 ans que Sania Youssouf bataille ferme, d'abord pour ouvrir sa boîte et aujourd'hui pour la pérenniser. Les Mahoraises ont encore du chemin à faire pour occuper le premier rang dans les affaires, selon cette travailleuse chevronnée. De mon côté, je dirais qu'il faut que les femmes se battent plus. Il y a des critères qui sont quand même un peu pénalisants pour les femmes. La loi est là pour justement permettre aux femmes d'avoir les mêmes opportunités que les hommes, mais dans la pratique, c'est difficile. Difficile donc pour cette chef d'entreprise d'occuper les devants de la scène, même si sa boîte a aidé une trentaine d'entreprises à voir le jour l'année dernière. Un reportage de nos confrères de Mayotte Première. Et c'est aussi la semaine bleue chez nous. Hier, les Gramounes étaient à l'honneur à Saint-Joseph. La journée a commencé avec un grand défilé dans la ville. Puis les membres des clubs de la 3e jeunesse de la commune se sont retrouvés à la halle des manifestations François Mitterrand. Aujourd'hui, c'est le savoir-faire des seniors qui sera mis en avant avec une exposition d'objets artisanaux et anciens. Les précisions de Chantal Cavalier, directrice de la Fédération des clubs seniors de Saint-Joseph. On aura des stands, on aura du fait main, on aura des objets longtemps, exposition objets longtemps et outils longtemps. On aura également tout ce qui est culture, c'est-à-dire la sérigraphie. On a une personne qui fait de la sérigraphie, elle fait des très beaux tableaux. On aura la broderie de la crête, parce que vous savez, la broderie de la crête, c'était la broderie de longtemps. Hein, je me souviens quand j'étais petite, il y avait des personnes qui faisaient de la broderie et qui passaient pour vendre pour gagner leur vie. Maintenant, on ressort la broderie de la crête, mais pour le savoir-faire, pour le fait main. Donc on aura un très beau panel de savoir-faire de nos aînés. Et après, on aura de l'animation. Chantal Cavalier, directrice de la Fédération des clubs seniors de Saint-Joseph, au micro de Pierre Komorasamy. Et vous l'avez entendu aujourd'hui, oui. On ressort la broderie de la crête. Oui, on aura la broderie. Alors, de la crête. Vous avez compris ça? Sort ta broderie. De la crête. De la crête, bah oui. Un beau travail artisanal à découvrir. C'est clair. Merci Cécile. À demain Cécile, bonne journée. Je t'ai dit que je faisais du tricot. Ah, mais c'est pas pareil, c'est pas de l'artisanat. Non, c'est pas de la broderie, c'est de la crête. Ouais, c'est vrai. La broderie de la crête revient à la mode. Non, tu sais, avec un crochet et tout, non? Ouais, enfin, on sinon, en parle demain. Il est 7h41, voilà, oui, le tricot. Bon. Bon. Allez. Boostez votre journée en suivant la météo avec Fanamalt, boisson énergisante. Et je pourrais te tricoter un maillot de bain parce que ça a commencé à chauffer, voilà, là dans le ciel. Ben oui, ça chauffe. Faites ça sexy. Chauffe. Demain, on va se rapprocher de température d'été demain. Boostez votre journée en suivant la météo avec Fanamalt, boisson énergisante. On rejoint Yves tout de suite. L'inforoute vous est présentée par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre, www.ismaelaboudou.com. Un petit quart d'heure avant 8h, comment ça se passe Yves? À Vincendo, ben ça y est, on sort de l'heure de pointe. Là, le giratoire devant le collège et l'accès au lycée se fait un peu plus facilement, donc ce passage. Il y a quelques tronçons un petit peu encore encombrés vers la balance de Langevin, également donc pour arriver jusqu'au rond-point de la gare routière de Saint-Joseph. Ensuite, les difficultés de circulation toujours pour descendre de Petite-Île jusqu'à Grand-Anse, avant le rond-point de la Caffrine, déviation nord-est de Saint-Pierre assez chargée. Maintenant également la traversée de Terre Sainte du François Mitterrand, également en difficulté pour rejoindre ou le front de mer, le boulevard Hubert de Lille, ou donc la rue Auguste Babet là-bas. En ce qui concerne la descente du tampon, eh bien, c'est toujours encombré, hauteur de Mont-Caprice, hein, donc des ralentissements qui se font dans la descente. Restez patients à ce niveau. Pas de changement pour la partie ouest, toujours plateau Caillou et encore quelques ralentissements entre Grandfond et Boucan. Vous circulez mieux sur la route du littoral, c'est repassé après la Grande Chaloupe au niveau de la ravine à Jacques. Et puis la bonne nouvelle, ça y est, le véhicule vient d'être dégagé au niveau de la marine, en tout cas dégagé de la circulation. Il a été placé sur la bande d'arrêt d'urgence. Il y a encore des perturbations hein, donc en arrivant de Saint-André de quartier français pour passer la marine, mais ça va se décanter un petit peu à ce niveau. L'entrée est restant toujours difficile, tout comme le pont Vinsan actuellement. Très bonne route. L'inforoute vous est présentée par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre, www.ismaelaboudou.com. Grand matin avec Isabelle Waron et Mickaël Laurette. Allez, je vous annonce, 7h40 maintenant tous les matins, rubrique tricot. On fera du tricot tous ensemble. Ça te plaît, ça hein? Bah oui, j'aime le tricot. Bah, on le fera pas, en fait. On le fera pas, ouais. Bah, sinon, désolé. Et ouais, si vous faites du tricot, moi, je veux bien vous appeler. Envoyez-moi votre numéro de téléphone, un petit SMS 70 2000. Bah ça oui, ça lui fera plaisir. Oh, t'arrêtes. Tricotons. Tricotons, c'est bien le tricot, non? Tricotons. Bah oui, bien sûr. Oh ouais. À quel âge? À quel âge c'est bien le tricot? Voilà. Bon. J'ose même pas vous souffler ce qu'on me dit dans le casque. Non, il faut pas, vaut mieux pas. Vraiment pas, vaut mieux pas. Tiens, on salue Patricia, j'aime ton rire, ton naturel, ta spontanéité. Oh, tu es ma meilleure animatrice. Oh, signé. Tu aimes le tricot? Signé Patricia. Patricia. Fais-lui plaisir, Patricia, allez, vas-y. Dis-lui que t'aimes le tricot. Bon. Tricote-moi quelque chose. Oui, mais c'est super le matin avec vous, continuez comme ça, nous kiffe grave. Bisous à ma femme aussi, signé Stéphane. Stéphane. Salut à Yo, le chauffeur de tracteur. Salut à tous. Salut à Freddy. Aussi. Non. C'est pas Freddy. Ah, c'est Friduit. Friduit. Alors lui, il aime pas les serpents. S'il m'y trouve un, m'y coupe à lien de. Oh non, il faut pas. Où l'a entendu, Johan a dit ça, c'est des gentils. Enfin, moi, les perso, méchants qui sont pas sympas, tu ne peux pas les acheter, moi, en tout cas pas à la Réunion. Déjà, je m'en approche pas à moins de 30 cm, quoi, c'est sûr. Donc ça risque pas. Non, c'est pas que j'ai peur, c'est que. De toute façon, ils auront peur de moi. C'est voilà. Vrai, ah bah oui, c'est mais ça le truc. Ils auront peur de moi. Faut pas que ça chappe, ça, les gros serpents méchants. Non, c'est ça. Faut faire attention à tout ce qui est gros et grand. Et oui, les serpents. Oui. Apparemment, de Johan, notamment tout à l'heure, Johan était gros et grand. Oui. Bon, et oui, on vous fait gagner encore plein de choses. Mais comme quoi, il nous reste encore quoi? Eh ben, les places de cinéma pour aller voir Radin. Mais et puis c'est vrai, peut-être le week-end à Sillaos, tout simplement, ça, en m'envoyant un message au 70 2000. Ou un petit j'aime sur Facebook. Likez, grain de sommet. Petit mari qui rêve, il rêve la Réunion. Petit mari qui rêve, l'issot d'un béton. Petit mari qui rêve. Il rêve la Réunion, petit mari qui rêve, il sort d'un béton. Petit mari qui rêve, ni des cannes la dian, sauf pour faire caillon, pour vivre d'un kéan. Petit mari qui rêve, ni des tacs la langue, pour nous prendre ma main, maloya descend. Petit mari qui rêve, il rêve la Réunion, petit mari qui rêve. Sort d'un béton. Petit mari qui rêve, il rêve la Réunion. Petit mari qui rêve, sort d'un béton. Petit mari qui rêve, ni des cannes la tient, pour nous plante de riz, pour nous plante de grains. Même sans sa maille, pour nous gagne manger. Au lexique nous dit, sans sa fin de l'engrais. Petit mari qui lève, là au bras bon dos, petit mari qui lève, où sont les animaux? Petit mari qui lève, là au bras bon dos, petit mari qui lève, où sont les animaux? Hop, les bouliers, tiens, dis-nous. Kip son carreau, petit piment oiseau, petit mari qui l'aime, même si les gains pris, même si le soleil là, au fatigali, petit mari qui rêve, il rêve la Réunion, petit mari qui rêve, l'issot d'un béton, petit mari qui rêve, il rêve la Réunion, petit mari qui rêve, l'issot d'un béton, petit mari qui rêve. qui rêve la Réunion, tu mari qui rêve, il saute en béton, tu mari qui rêve, il rêve la Réunion, tu mari qui rêve, il saute en béton, il saute, il saute, ah, il rêve la Réunion, tu mari qui rêve, il saute en béton, tu mari qui rêve, il rêve, il rêve, il rêve la Réunion, il rêve, il rêve, tu mari qui rêve, il rêve, il rêve, saute en béton, il rêve, il rêve, il rêve, il rêve, il rêve, il rêve, il rêve la Réunion, il rêve, il rêve, il rêve, il rêve, il rêve, il rêve, il rêve, il rêve, il rêve, il rêve, il rêve, il rêve, il rêve, il rêve, il rêve, il rêve, il rêve, il rêve, il rêve, il rêve, il rêve. Bon, on a quelques messages sur le canal SMS au 70 2000. Tricoter, c'est pas très sexy, Isa, hein, signé Lido, par exemple. C'est pas ça, c'est pas vrai, c'est pas marqué ça. Sophie, tiens Isa, tricoter, non, mais si vous remplacez le T par le F, je veux bien fricoter avec toi, oh Isa. Oh, Sophie. Maman. Sophie et Isa, un nouveau couple, peut-être. Oh, salut Corinne. Sophie, tu veux fricoter avec, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Bah, fricotons, ouais, fricotons. Coucou à Céline, aussi par SMS, au 70 2000, gros bisous à toi. Céline. Nous, on revient dans un instant avec Connect Première. Alors, la prise mini jack sur le futur, sur l'iPhone. Y a pas. Y a. Ça, je sais, y a pas. Y a pas. Mais y a pas, non? On en parle. Y en a un. Dans Connect Première. C'est caché? On en parle. C'est un peu zul? On en parle. Mm-hmm. 10h midi, les experts avec Claude Montagné. Le souci, c'est que je cherche un mode de garde qui me conviendrait. Je préférerais assistant maternel à domicile. Vous pouvez passer ma signature sur l'auto pour connaître ce que c'est le problème. Est-ce qu'il y a le droit à un petit affaire? Qu'elle prenne contact avec la CAF. Vraiment, les émissions que vous faites aident beaucoup de personnes. Les experts avec Claude Montagné, du lundi au vendredi de 10h à midi sur Réunion Première. Première. Allez, Pascal Rizzo pour Connect Première. On parle de la prise mini jack qui a fait tant débat. Ah, bah oui, il faut en parler, Mika, c'est important. Alors, quand même. Non, mais... Après, on vous fait gagner des places de ciné. Et du tricot. Connect Première. Bonjour, la suppression de la prise mini jack sur iPhone devrait faire tache d'huile. Souvenez-vous, tout avait commencé par des rumeurs savamment orchestrées par Apple pendant plusieurs mois afin que l'opinion se fasse à l'idée. Puis, la firme à la pomme croquée a effectivement sorti un smartphone sans cette prise, la qualifiant d'obsolète, un terme d'ailleurs repris par toute la presse. Cette suppression n'ayant pas créé d'émeute, ou plus sérieusement de mouvement de boycott du produit, il n'est pas étonnant que tous les autres constructeurs de smartphones, mais aussi de PC, s'engouffrent dans cette brèche et essayent eux aussi de se débarrasser de ce fleuron du son analogique. Et pour les y aider, l'USB de type C, une nouvelle norme d'USB différente au niveau de sa forme, réduite et réversible, hein, il n'y a plus de bas ni de haut, ça entre dans les deux sens, est capable de gérer directement l'audio et la vidéo grâce à une nouvelle norme qui vient d'être définie par le consortium qui gère l'USB, l'Audio Device Class 3. L'USB de type C va donc prochainement remplacer la prise mini jack sur tous les smartphones, voire tous les PC, puisque le fabricant Intel pousse aussi en ce sens. On devrait donc voir bientôt apparaître des casques et des enceintes ayant cette connectique, ainsi que pléthore d'adaptateurs mini jack USB type C, permettant de rendre les anciens équipements d'écoute compatibles. Sur les iPhones, par contre, la prise Lightning de fabrication maison ne changera pas, et l'on peut parier qu'Apple ne voudra toujours pas offrir de prise USB à ses appareils. Mais pour tous les autres smartphones, l'USB type C devrait devenir le standard, notamment parce qu'il permettra de gagner 1 mm en finesse, la prise mini jack étant devenue l'élément le plus épais du mobile. La consommation énergétique devrait elle aussi être réduite et il sera plus facile de rendre un appareil étanche avec cette nouvelle norme. Et même si la résistance s'organise autour par exemple de la création par projet participatif sur Indiegogo d'une coque de protection offrant le retour de la prise mini jack, c'est le projet Fuse, F-U-Z-E, malgré cela donc, les jours du mini jack sont comptés. Alors souvenez-vous-en si vous souhaitez investir dans un casque ou des enceintes coûteuses, ou alors attendez les promos qui officialiseront leur obsolescence. Belle journée. Bah merci Pascal. Merci Rézo. Pascal. Ah, il y a des tricot women hein, sur le canal SMS quand même qui arrivent. Des tricot women. Oh oui, bah comme oui. Bah oui, le tricot c'est pas facile, mais bah non. Bonne continuation. Bien sûr que c'est pas facile, c'est une activité ça, c'est pas vraiment qui demande de la concentration. C'est pas une tricotte woman, ça c'est plus en fait quelqu'un qui te dit Isaac, bon voilà quoi, c'est bon, pas elle qui en ferait quoi. J'embrasse Sandrine. Bon. Ah bah voilà une tricotte woman, il y en a sur Facebook. Moi aussi j'adore le tricot et le point de croix. Ah bah la bonne heure c'est le point de croix. Bah, c'est un point du tricot, tu vois, tu tricotes pas tout le temps de même façon, selon que tu mettes ton fil comme ci, comme ça, si tu passes, voilà, et ben c'est pas pareil. Ma fille ? Bah oui, Oté. Dis donc. Bien hérèse. Bah alors. Annabelle. Le tricot, bah oui, bah alors, pourquoi le pas. Le tricot, c'est allez. Fantastique. Le point de croix, c'est magnifique. Magnifique. Bon, allez, vous continuez de liker la page fan Grand Matin, parce qu'à la fin de semaine, grâce à cette page Grand Matin que vous likez, vous pouvez repartir avec votre nuit d'hôtel en amoureux au Vieux Cep avec Destination Sud Réunion. Petit déjeuner, piscine, tout vous est offert. Alors, c'est ça. Juste un like sur la page Grand Matin, GRN, apostrophe. Matin. Voilà, et depuis lundi jusqu'à vendredi, tout ça qui participe, que ce soit sur Facebook, sur le SMS, affole pas, nous ramasse tout numéro de téléphone, ça on met tout même. Ça dans notre urne officielle, bien sûr, sans huissier, mais enfin voilà, pour le tirage au sort. Parce que ça se passe aussi par SMS. Bien sûr. D'ailleurs, comme on a chaque jour un gagnant pour les places de cinéma, on a choisi d'aller prendre un SMS. D'accord, bah ouais. Et c'est Delphine, Delphine qui est avec a été nous. Choisie, elle est à Saint-Denis. Bonjour Delphine. Hello. Comment ça va Delphine? Mais ça va bien. Ah bah oh ça s'entend. Bah tranquille, parfait. Vous êtes au boulot? Bah oui, je viens d'arriver. Je viens de terminer mon heure de bouchon matinale et je viens d'arriver au travail. C'est ça qui est moins marrant, hein, du coup. Hein, alors vous êtes dans l'enseignement, c'est la communication? Oui, oui, oui, je travaille pour l'université dans un service communication. Ah, parfait. D'accord. Voilà. Et bien vous repartez avec vos invitations pour aller voir au cinéma Danny Boone. Eh ben c'est super, merci beaucoup. Si c'est bon, Danny Boone. Oui, Danny Boone, alors, pas Danny Mood. Hein. Danny Boone. Voilà, des invitations valables dans les salles du réseau Morefi, Multiplex, Ciné Combé de Saint-Paul, la Caisse Saint-Denis, ou Plaza de Saint-Louis. Félicitations. Delphine. Génial, merci beaucoup. Excellente journée à la fac. Et vous participerez au tirage au sort de vendredi, hein, ne vous inquiétez pas. Oui, forcément. Pas de d'accord. Ok. Bon. Bisous, bisous. Salut Delphine. Bisous, bonne journée. Allez, bye bye. Là, j'ai un charabia sur le canal SMS parce que du coup, comme on parle tricot, il y a quelques personnes qui aiment le tricot, il faut le dire. Hein. Bah, bien sûr. Le point de croix, c'est... N'est pas le tricot. N'est pas le tricot. Oui, ah, bon. C'est un point de croix. C'est un point. Voilà. Ok, bon, allez, vous n'allez pas vous battre non plus. Non, par contre, je veux votre numéro. Est-ce que tu veux qu'on monte un club? Personne allez, qui nous envoie ça SMS. Allez, vas-y. Quoi, tu veux passer? Monte un club, monte un club. Vous êtes deux déjà, Sandrine et toi. Bah alors, et cette personne? C'est pas mal. Parce que pour savoir que le point de croix n'est pas le tricot, c'est qu'elle sait ce que c'est. Si ça ne vous intéresse pas, hashtag ça ne vous intéresse pas. Maintenant sur Twitter. Bon, on va voir ce qui s'est passé ces dernières 24 heures. Ah oui, allez, je vous emmène, on se prend par la main. Direction le monde merveilleux de Beverly. Oh, Beverly. Eh ben oui, on va aller faire un tour. Sinon, ben, y a les maillages du moment, y a les grands moments de solitude. Et puis un big up et spécial pour nos amis journalistes. Ah bah oui, quand même. Il y a Florent big en plus là. Florent, et peut-être spécial. Pour toi. Hein. Allez. Peut-être ou pas, d'ailleurs. C'est la faute à l'État. La paix du travail noir. La paix. Les producteurs ont dû faire face à de nombreux impératifs, notamment s'adapter pour pallier à la raréfaction des terres agricoles. Ouais. Vous allez apprendre tous les bienfaits de la banane et vous allez vous déhancher, valser, cadencer ou bien comme moi, vous moucher sur de la musique. Non. Ce post-il en France et dans le monde, c'est le flash de France Info. Ah non, il n'y a pas. Non, pas de flash. Voilà, pas si on revient à cette heure, on revient à cette heure, c'est pas Nini Lorac. Allez, où ça, où ça, où ça, où ça. Retour de la musique avec Firmin Viry et Cœur de Pirate sur la première. C'est aillé ça? Damien Dorfeuille qui s'empare surtout de la tête du championnat de la Réunion aux dépens de ses fans Saoko Crève. Prochain rallye, pardon. Vous voyez toujours pas c'est qui si je vous dis que les gars ils ont comme des casques moto sur la tête? Obligé sur la fine vue. Et oui, c'est Daft Bunt, Get Lucky sur Réunion. Arrête, ma vie. Bonjour David. Bonjour monsieur. Là, maintenant, je me souviens plus trop de ma question. On repart en musique avec Bam Bam de Eric Pousnous. Oh là là là là. Douce, douce, on pousse la brousse, qu'elle est douce, cette mousse. Avec Pousse-nous. On était connu Pousse-Pousse. Pousse-mousse aussi, t'es le type bébé, tu vas arrêter de payer des chinois à faire. Avec pousse-mousse en. En duo avec les Dark Boys. Sort de la mousse pour laver la main dans la salle de bain. Ça s'appelle un pousse-mousse. Un pousse-mousse, oui. Florent, t'es connu ça? Non. Pousse-mousse. Et les Daft Punk, la sorte d'un nouvel album, les Daft Punk. Excellent. C'est bon, hein? Ouais. Excellent. Ça, Jackie? Ben, ça va bien, bonjour. Bonjour à tout le monde. Arrêtez un peu, donc. Non, juste un peu. Allons, quoi, c'est un peu des camarons aujourd'hui. Ah oui. J'ai les grillés, en carri, en sopsuit, en beignet, pourquoi pas en tartare, tiens. Alors, avec ou sans la coque, allons plus loin encore. C'est vrai. Avec ou sans la tête. Nenayem avec, Nenayem sans, aujourd'hui bon, nous parlons de camarons. Oui, avec la tête. Pour faire pour il faire donne un petit carré? Goût en fait, parce que dans la tête, Nena le corail, si nous pouvons appeler ça comme ça. Mm. Voilà, et puis il donne un petit goût, surtout dans le camaron grillé en carré, mais il ne connaît pas. Ah bon? Donc nous parlons de ça avec Bruno Amalou, chef de cuisine à Saint-Denis. Donc les camarons entre 8h et 9h, avec toute bonne de monde qui va appeler à nous. Entre 9h et 10h, Radio Ménage, Gougout et Carapaille. Carapaille veut marier avec un madame assez âgée, juste pour l'héritage, pour gagner l'argent. Oh. Ça, bonnes histoires, y arrive ça. Et puis l'astuce du jour, comment réussir une mayonnaise du premier coup. Légendes et croyances, les superstitions sur les chats quand un chat pleure, malheur, point d'interrogation. C'est ça. Ça arrive juste après l'info, tel journal. Ça y est, Jackie, il est là. Ben oui, Mickaël, voilà. À demain. À demain, Isa, à demain, tu la réunion. Tu promets, hein, on va ouvrir un club de tricot, de broderie, de point de croix. Hein? Allez, réfléchis. Il est motivé, on dirait. Ouais, bah oui. Réfléchis ce qu'il y a demain. Bien sûr. Allez. Avec le point de croix et tout. Oui. L'inforoute vous est offerte par QTEC, machine à boire réunion. C'est à vous, Yves. Oui, toujours dans le sud sauvage avec toujours ces contraintes d'alternat permanent donc, au niveau des rampes de Basse-Vallée, hein, donc le chantier de sécurisation de falaise qui se poursuit et puis toujours ces travaux de curage de fossé qui avaient démarré en fin de semaine dernière, donc ça se passe plutôt entre pour le moment secteur Vincent Dôme mais en allant sur la partie est hein, en direction de justement de Basse-Vallée près de la crête. Voilà, donc ce chantier va se poursuivre toute cette semaine en direction de Langevin. Ça roule mieux dans la descente du tampon, ça y est, ça va mieux au niveau de Mont-Caprice, il y a encore du monde au niveau de certaines bretelles d'accès à Saint-Pierre, le ralentissement pour la partie ouest après l'échangeur de plateau Caillou, avant la tranchée couverte de Saint-Paul, mais ça ralentit toujours entre Grandfond et Boucan. La route du littoral virage du gouffre, donc ça va un petit peu mieux, ça coince toujours sur le pont Vilsan et à l'entrée est de Saint-Denis depuis au moins la ravine des Chèvres, par contre ça va mieux du côté de la marine après que ce véhicule ait été dépassé sur le bas-côté. Attention du changement cet après-midi. Du côté de la pointe des Châteaux, la voie côté mer sera définitivement fermée. Circulation à double sens de façon définitive sur la partie qui servait de dépassement. Voilà, il y a du changement dans l'après-midi là-bas. L'inforoute vous a été offerte par QTEC. Machine à boire Réunion. Vous écoutez Réunion Première, il est 8h. Le journal est présenté par Florent Marot. Bonjour Florent. Bonjour Jackie, bonjour à tous. Il est accusé d'avoir frappé et tué l'enfant de sa concubine, Stéphane Bocage, est jugé à partir de ce matin aux assises. Il encourt 30 ans de réclusion criminelle. La mère est accusée de non-assistance à personne en danger. Verdict demain. Prise d'otage hier à l'aéroport Roland-Garros, un exercice, rassurez-vous, dans le cadre d'une attaque terroriste orchestrée par la préfecture. Plus de 200 policiers, gendarmes, militaires et pompiers étaient sur place. Les pompiers qui ont enfin réussi à maîtriser l'incendie de Saint-Bernard hier soir, la route du littoral est ouverte sur 4 voies ce matin. Des purges sont prévues dimanche, la route sera alors totalement fermée. Et puis c'est un moment très attendu par nos Gramoun, la semaine bleue a démarré hier dans l'île. Pierre Comoras est allé à Saint-Joseph. La ville accueille 14 clubs du troisième âge. On en parle à la fin de cette édition. Direction donc les assises pour démarrer ce journal avec le début aujourd'hui du procès de Stéphane Bocage. Il est